Deux compagnons sont de Toulouse, mais vivent maintenant dans la région parisienne. Ils sont venus exprès nous voir, nous rendre visite aujourd'hui. Donc, le dernier numéro, alors à chaque fois, il y a des articles. Bon, vous voyez, c'est pas une revue spécifiquement anarchiste, puisqu'il y a un drapeau républicain. Ça va parler de plusieurs de tendances du mouvement républicain, mais les anarchistes sont très présents dans cette revue. Je les ai feuilletés et parcourus. Et je peux vous dire que bon, c'est une revue qui est assez ouverte et c'est peut-être ça qui fait son intérêt, d'avoir un mouvement plus large et puis de permettre le dialogue entre différentes tendances qui veulent bien dialoguer. Hein. Je crois qu'il n'y a pas les staliniens dedans, il me semble. Pas tellement. Non. Donc le dernier numéro, à chaque fois il y a un dossier, le dernier numéro était sur l'Athénéo espagnol de Toulouse. Et c'est le premier sur les prisonniers républicains qui ont été envoyés au goulag, enfin qui étaient partis se réfugier en Russie puis continuer au goulag. Et le numéro 2, c'est celui-là dont nous allons parler aujourd'hui, la révolution des Asturies de 1934. Et c'est Francisco qui a écrit un des textes, je crois, ou le texte principal de ce dossier, qui va nous en parler. Donc Francisco a été prof d'espagnol en lycée et à l'université, et tu as participé à plusieurs publications, dans des revues notamment, comme l'histoire d'imposture, ça peut-être on pourra en parler après parce que c'était intéressant, les habits neufs du stalinisme, paru en 2012, un ouvrage collectif chez Acrasi, America aussi, des traductions. Et puis je crois que j'ai assez parlé, je vais te laisser la parole. D'accord. Bon, ben, merci. Alors, oui, tout d'abord sur, je vais dire une chose, sur Républicain, on en a souvent parlé, hein, parce qu'en France, souvent, on parle de Républicain. Enfin, nous, dans l'immigration, ce qu'on parlait, nous, on parlait surtout d'exilés ou de réfugiés. Alors, on pourra en discuter ensuite. Hein. Alors, sur la révolution des Asturies, hein, pourquoi on a sorti ça actuellement, c'est une révolution dont on ne parle pas. On en parle très peu. Bon, alors que le jeune Camus, justement, on en a parlé tout à l'heure, je crois qu'il avait 22 ans à l'époque quand il a fait sa pièce de théâtre. Enfin, c'était une pièce collective. Hein. Elle a été immédiatement interdite à Alger. Et puis, dès qu'on a essayé de la refaire, elle a été aussi interdite. Hein. Alors, je crois que c'est maintenant une troupe de théâtre d'ici, du Sud-Est, hein, qui l'a ressortie. Alors, nous, ce qui nous a surpris, c'est pourquoi on ne parle pas de cette révolution. On parle de la Commune de Paris, on parle, par exemple, des Pâques sanglantes à Dublin... révolution de 34, bon, là, elle a pratiquement disparu. Hein, je pense que c'est pas un hasard. Enfin, elle peut être. C'est très intéressant justement par rapport à la situation que nous vivons ici, hein, et en Europe. Hein. Et il y a eu une sorte d'amnésie, en particulier en Espagne, sur tout ce qui était certains chapitres de l'Espagne. Hein, et enfin, j'y reviendrai en particulier à la fin. Hein. Par exemple, bon. Personne ne l'a observé, ça fait juste 40 ans que Franco est mort. Ça fait aussi juste 40 ans, le 27 septembre 1975, où il faisait fusiller les derniers qui sont passés au peloton d'exécution, Baena, Chiqui, etc. Hein. Personne n'en a parlé, ni dans la presse espagnole, ni dans la presse française, évidemment. Hein. Et hasard aussi de l'actualité, hein, c'est que la période des années 30, il n'y avait pas l'état d'urgence, mais il y avait une loi de défense de la République. Et à l'époque, le premier ministre, le président du Conseil, qui s'appelait Manuel Azaña, disait quelque chose qui était assez curieux. Hein, cette loi est une loi d'exception, c'est évident, hein, mais il y a de douloureuses nécessités. Esta ley es... C'est une loi d'exception, claro está, hein, pero hay necesidades dolorosas, des nécessités douloureuses. Et ça nous rappelle un peu ce qui est en train, on est en train d'écouter un peu actuellement. Hein. Alors, d'autre part, 1934, bon, ça nous paraît un élément de la chaîne qui va conduire en particulier à la guerre civile, hein, on verra dans quelles circonstances. Hein. Et on verra aussi que... l'autre intérêt d'octobre 34, ce sont les rapports entre le peuple, les militants, et les dirigeants d'organisation. C'est-à-dire que les dirigeants d'organisation que l'on présente, ou les chefs politiques que l'on présente habituellement, comme étant ceux qui tirent les ficelles, qui font tout, hein, en réalité, sont obligés à chaque fois de tenir compte de ce qui se passe en bas, et ne peuvent pas manœuvrer comme ils veulent. Et je pense que c'est aussi un des intérêts de cette révolution de 34. Alors, pour mon exposé, j'essaierai d'être pas être trop long de façon à ce que ça on puisse avoir une discussion. Hein. J'essaierai de voir d'abord une vision générale de ce qui se passait dans les années 30, hein, 34, hein, chute de la monarchie, situation en Espagne au niveau international. Ensuite, ce qui amène la réaction au pouvoir en 34, hein, et qui coïncide aussi avec une période terrible en Europe, mais aussi en France. Hein. L'insurrection elle-même, on verra, elle est très particulière et elle annonce sous ses formes d'organisation des choses qui vont se passer, en particulier pendant la révolution espagnole, après le coup d'État mené par les généraux. Hein. La répression et le bilan, et puis quelques réflexions aussi sur cette révolution. Avec un point enfin, qui me paraît important, hein, c'est que cette révolution, on a toujours parlé de la révolution des Asturies, mais elle se donnait en réalité pour objectif d'être une révolution sur toute la péninsule et sur toute l'Espagne. C'est aux Asturies où elle a abouti le plus, disons, elle a pris ses formes les plus virulentes et on pourrait dire les plus déterminées, les plus radicales. Avec un paradoxe, c'est que la région asturienne, c'était pas les militants les plus radicaux, entre guillemets. C'était même, en particulier pour le Parti Socialiste, c'était même les militants les plus centristes qui étaient dans cette région. Et pourtant, c'est eux qui iront le plus loin dans cette révolution. Alors, bon, mon premier point, disons, c'est avant ce qui se passait dans les années 30, hein, en France, c'était le 6 février 34, hein, c'est-à-dire une tentative pratiquement de putsch par les ligues fascistes. En 33, il y a quand même un événement qui est quelque chose de considérable, c'est la défaite du mouvement ouvrier allemand pratiquement sans combat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas combattu avant, hein, puisque si on parle des révolutions que l'on a oubliées, personne ne parle de la révolution de novembre 1918 en Allemagne, qui a été quelque chose de considérable et qui est complètement occulté. Hein. 10 ans auparavant, c'était la venue d'un mouvement qui était tout à fait nouveau, qui était le fascisme. Hein, et donc, ça ne tombe, enfin, cette situation ne tombe pas du tout comme un orage dans un ciel serein. Hein. Et puis, on verra aussi qu'en Autriche, puisque souvent on fait un amalgame entre l'Autriche et l'Allemagne, hein, en Autriche, les ouvriers allemands, les ouvriers autrichiens vont combattre de façon déterminée et seront écrasés au canon et à la mitrailleuse, justement le 12 février 34 par un chrétien national catholique, on pourrait dire, hein, Dolfus, hein, Gilbert Dolfus. Et puis, on verra aussi que d'un autre côté, en URSS, où tout le monde regardait la grande révolution bolchevique et autres, déjà se préparait autre chose. Hein. Enfin, on verra en décembre, hein, avec l'assassinat de Kirov. Tout ça va faire qu'en Espagne, un cri va monter. Hein. Antes viene que Berlin, c'est-à-dire plutôt vienne que Berlin. Plutôt combattre que se laisser écraser sans rien dire. Hein. Et Berlin est quelque part quelque chose de très important, en particulier, bon, vous verrez dans la revue, hein, on a signalé se trouvait à Berlin le socialiste Luis Arakistein, hein, qui était un proche de l'Algo Caballero, hein, je reviendrai sur ça, et se trouvait également un militant anarchiste, hein, qui était Valeriano Orobón Fernández, qui était le secrétaire espagnol pour l'AIT, puisque l'AIT avait comme siège qui s'était reconstruite, avec comme siège Berlin. Et eux deux, aussi bien du côté anarchiste que du côté socialiste, avaient vu la façon dont le prolétariat allemand s'était fait écraser, et en particulier avec une politique de division terrible, hein, en particulier menée par l'international communiste. La situation en Espagne, elle est terrible après la crise de 29. Hein, à Barcelone, un tiers des ouvriers du bâtiment ont un emploi. Hein, 40 000 sont sans emploi à Barcelone. En 1933, je crois, hein, en Andalousie, plus de 200 000 jornaleros sont sans emploi. Jornaleros, c'est les ouvriers agricoles, hein, sont sans emploi la majorité de l'année. Hein. Si on prend au niveau international, aussi en Amérique latine, hein, c'est une période de montée de dictature. Hein. Machado, Ubico, etc. Hein. C'est l'année de l'assassinat aussi de Sandino, au Guatemala. Mais c'est aussi des grèves et des manifestations terribles aux USA même. Donc il ne faut pas voir, enfin je pense qu'il ne faut pas simplement voir la situation espagnole, mais il faut la voir dans le cadre d'une montée, on pourrait dire, des extrêmes. Alors, ce qui se passe en Espagne, on pourrait dire les clivages, appelons-le gauche-droite, hein, même si le terme gauche est assez malvenu, parce que c'est un terme, on pourrait dire, parlementaire. Hein, il va y avoir en 1923 une dictature que l'on va appeler ensuite dicta blanda à la fin, hein, c'est-à-dire la dicta molle, dictature, dicta molle, c'est une espèce de jeu de mots. Hein, qui est pas, mais pourquoi arrive cette dictature? C'est-à-dire qu'il y a une crise de cette monarchie qui va déboucher enfin, en 1931 par le départ du roi, mais qui avait été accélérée en particulier par un désastre terrible qui se déroulait au Maroc, hein, avec le désastre d'Anoual, dont le roi était particulier responsable. Hein, il y avait commission d'enquête qui s'était déroulée, qui s'appelait la commission Picasso, comme le peintre, mais c'est pas le même, hein, c'est un officier, et qui allait découvrir que le roi lui-même était impliqué justement dans ce désastre militaire. Donc, comment on se sort de la crise? On fait appel à un militaire, et comme tout militaire, il avait, il a instauré une dictature, essayant d'interdire le mouvement ouvrier. Hein. Le problème de ce mouvement ouvrier, c'est que il est divisé entre deux organisations, c'est-à-dire l'UGT qui est socialiste, et le PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, et puis la CNT. Le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol et l'UGT collaborent à un moment avec Largo Caballero, avec la dictature, enfin, une forme de collaboration. Et alors, curieusement, ce Largo Caballero que l'on présente, que l'on va voir à gauche, dans la période ensuite précédente 34, est plutôt à droite, à l'époque. Et alors que Prieto, Indalecio Prieto, qui était plutôt à gauche, dans cette période de la dictature, va au contraire dire, mais attention, on est en train de liquider l'organisation. L'organisation va au suicide. Et finalement, Largo Caballero sera obligé de tourner de façon à sauver l'organisation. Qu'est-ce que l'on a comme organisation? Ensuite, on verra que dans les années 30-32, les plus grosses organisations, c'est d'abord la CNT, hein, 1 600 000, je crois, hein, elle arrivera. L'UGT, 1 500 000, hein. Mais ça va être une croissance très très rapide dans ces années 30 à 23 à 31. Ensuite, il y a d'autres organisations, des organisations qu'on pourrait appeler à gauche, enfin, minoritaires, hein, le PCE. PCE en 32 à 13 000 militants. Hein. Et puis il y a le BOC et lycée, le BOC c'est Bloc Obrero y Campesino, le Bloc Ouvrier et Paysan, hein, qui est dirigé par un militant qui avait été militant de la CNT d'abord, et ensuite du PC, et ensuite avait créé une sorte de PC autonome, hein, qui était plutôt tendance boucariniste, hein, qui va créer justement cette organisation, et puis un autre petit parti qui est de gens qui sont des sympathisants de Trotsky, hein, qui sont dirigés par André Jnin, mais qui a des divergences avec Trotsky. Hein. Bon, c'est ceux qui fusionneront ensuite avec, pour donner le paume en 1935. Et puis il y a une autre organisation, enfin, puisque la CNT est en crise aussi, hein, ce sont les Trentistas. Pourquoi on les appelle les Trentistas, hein, ce sont les compagnons de Peña, parce que ce sont 30 dirigeants de la CNT qui ont commencé à avoir une politique, on pourrait dire, pour l'appeler réformiste, qui est assez proche d'ailleurs de celle de l'Algo Caballero. Et contre cette dérive, on pourrait dire, de la CNT, hein, va se construire très rapidement une organisation. Une organisation qui va se considérer comme anarchiste, mais pas simplement comme espagnole, mais péninsulaire, c'est-à-dire à la fois espagnole et portugaise, hein, qui est la FAI, la Fédération Anarchista Ibérica, hein, qui se constitue à Valence en 1927. Aussi, bon, d'une certaine façon, pour redresser, entre guillemets, la CNT, mais aussi pour, en disant, dans la mesure où on devient de plus en plus réformiste, le risque, c'est qu'on se fasse tailler des croupières aussi par les nous communistes qui apparaissaient un peu comme un nouvel espoir, enfin, il y avait tout un mythe. Hein. Et donc, la faille va se construire de cette façon-là. Les tensions seront énormes, et d'ailleurs, finalement, une partie des syndicats de la CNT seront exclus, hein, par les syndicats dirigés par la FAI, hein, et ces syndicats, mais qui auront une importance considérable, hein, sont des syndicats qui ont une implantation réelle, même si ce sont des syndicats qui ne font plus partie de la CNT. La politique qu'on va voir se produire, en particulier dans au niveau international, mais ça va se traduire au niveau national, aussi bien en France qu'en Espagne, c'est l'action de l'Internationale communiste. Hein, même si le PC espagnol est très très petit et constamment en crise, hein, l'orientation du 6e congrès de lycée, hein, l'international communiste, hein, c'est ce qu'on appelle la troisième période, l'unité à la base. Le mouvement ouvrier international va vers la révolution, sans problème. Ce qu'il faut combattre, c'est les anarchistes et les socialistes qui sont les meilleurs alliés du nazisme et du fascisme. C'est ce qu'ils ont appelé l'unité à la base, le front unique à la base, le combat classe contre classe. Alors, en Allemagne en particulier, ça va avoir des conséquences terribles, hein, puisqu'on verra même les groupes de combat de la Rote Fahne, du drapeau rouge, c'est-à-dire les groupes de combat allemands s'allier même avec les SA, hein, pour casser les meetings du PS. Hein, si vous connaissez le livre de Jan Valtin, Sans patrie ni frontières, hein, il relate justement cette politique-là. Hein. En Espagne, bon, le nouveau dirigeant du PCE, hein, qui s'appelle José Díaz, hein, qui est un Andalou, originaire de la CNT, hein, enfin bon, il porte il dit clairement, hein, il y avait une volonté de trouver une alliance entre les partis ouvriers. Alors, ça s'est fait de façon marginale, hein. Ça s'est fait de la part du BOC de Maulin et aussi des syndicats scissionnistes de l'anarchisme, hein, des pestanistes, plus d'autres organisations donc qui voulaient ce qu'ils ont appelé une alliance ouvrière. Pour les anarchistes, le terme n'est pas utilisé comme ça, ils l'appellent souvent alliance ouvrière révolutionnaire. Mais de fait, c'est la même chose, c'est unité des organisations ouvrières. Que disait José Díaz à l'époque, hein? Les prétendues alliances ouvrières sont le produit d'une manœuvre de la bourgeoisie et de ses agents, les chefs socialistes et anarchistes, trentistes, bloquistes et autres renégats, pour lutter contre la création de soviets en Espagne. L'alliance ouvrière est une alliance contre-révolutionnaire. On verra qu'ils tourneront juste avant 1934, hein? Mais donc on est dans cette situation-là en 1934 dans laquelle on a grosso modo la la majorité de la CNT qui est contre l'alliance, on pourra discuter après tout, hein, pourquoi, sauf dans certaines régions, en particulier la région centre et à Madrid, sauf aussi aux Asturies, et d'ailleurs le plénum de juin 34 de la CNT va condamner la CNT des Asturies en disant que c'est une alliance opportuniste, etc. Alors les autres organisations politiques que l'on trouve en Espagne, il y a des républicains. Les républicains, vrais républicains, des personnalités comme Manuel Azaña, José Giral, un parti qui s'appelle le Parti Républicain Radical de Leroux, Alejandro Leroux, hein, qui était très anti-catalaniste et très laïque aussi, enfin même un radicalisme laïque très, très violent, qui va évoluer ensuite vers le centre et même vers l'opportunisme le plus éhonté. Hein. Et puis, il y a à droite, on pourrait dire, des catholiques. Les catholiques, des monarchistes et des fascistes. Les fascistes qui sont à l'époque que des groupuscules, hein, en particulier Falange et les Juntas de Offensiva Nacional Sindicalista. Et il nous reste les nationalistes périphériques. C'est-à-dire les Catalans, les Basques et les Galiciens, hein, mais surtout les Catalans et les Basques. À l'origine, ce sont des mouvements qui ont une origine catholique, hein, mais qui, dans le cadre, par exemple, des Catalans, vont évoluer de droite à gauche, c'est-à-dire il y avait d'abord la Ligue régionaliste de Cambó, hein, de Francesc Cambó, qui est un grand industriel catalan, hein. Et il va se faire entre guillemets doubler par sa gauche par Esquerra Republicana de Catalunya, hein, de Luis Companys. Et puis il y a les Basques, parti nationaliste catholique et on pourrait dire même raciste, puisqu'on ne peut adhérer au parti nationaliste basque, hein, que si on a quatre grands-parents qui ont des noms basques, même encore actuellement, hein. Alors, c'est assez amusant d'ailleurs parce que le Parti nationaliste basque, il a comme... alors, en espagnol, c'est Partido Nacionalista Vasco, hein, mais en basque, c'est Eusko Alderdi Jeltzalea, ce qui veut dire le parti basque de ceux qui sont pour Dieu et les vieilles lois. qui est dirigé par José Antonio Aguirre. Voilà. Et il y a aussi une organisation galicienne, hein, qui va être dirigée par... le plus important, c'est Santiago Casales Quiroga, qui est le père, d'ailleurs, de Maria Casales. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite lors de la chute de la monarchie, hein, la monarchie va s'effondrer, on pourrait dire, parce qu'elle est complètement déconsidérée par le roi, par... Même les militaires vont laisser tomber la monarchie. Ça va se terminer d'ailleurs, parce qu'on a l'air de dire maintenant que Alphonse XIII, qui était le grand-père de Juan Carlos, enfin, il y en a un autre, hein, pourrait dire c'est dynastique, hein, la corruption et le scandale dans la monarchie espagnole. Hein. Je ne vais pas revenir, mais... Après la dictature de Primo de Rivera, il va y avoir une montée des antagonismes sociaux, hein, et puis finalement les républicains vont essayer de s'unir, de se regrouper. Bon an, mal an, à Saint-Sébastien, on voyait à l'époque les choses comme étant un coup d'État militaire qui pourrait renverser la monarchie et établir, enfin il y avait ce rêve qui venait un peu du 19e siècle, un coup d'état militaire libéral, celui-là, pourrait rétablir la République. Alors ça va se finir d'ailleurs très mal, parce que des militaires vont se soulever, capitaine Fermín Galán et Ángel García Hernández se soulèvent à Jaca fin décembre décembre 30, et trois jours après, le roi les fait fusiller, il refuse même de les... Pratiquement, c'est un jugement expéditif hein, qui va être fait. Le 12 avril, il va y avoir des élections, enfin, vous connaissez peut-être le déroulé, des élections municipales, et là, les monarchistes perdent dans toute l'Espagne, et même le chef de la garde civile va voir le roi et lui dit « Bon, mais on ne peut pas tenir, il faut que vous partiez. » Et donc, le roi va s'en aller, il va se réfugier où ? À Rome, où il est accueilli à bras ouverts, évidemment, par Mussolini et le pape. Hein. Et les complots commencent. Les complots commencent déjà. Ça pour dire, parce qu'on a expliqué souvent que, ah mais, vous rendez compte, c'était une république démocratique, et vous voyez, ces abrutis d'anarchistes, de gens qui avaient altéré l'ordre, finalement, c'est eux qui sont responsables d'avoir amené Franco. Hein. C'est un peu ce que l'on est en train d'entendre actuellement. La République s'installe, c'est le 14 avril, mais déjà, dès le mois de juillet, il commence à y avoir des affrontements. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, si on prend une image un peu vulgaire, hein, c'est que la marmite a explosé et qu'on a mis un peu la monarchie pour essayer de calmer le jeu. En tout cas, dès le mois de juillet 31, énorme grève à la Telefonica à Barcelone, répression, mort, etc. Et puis, en juillet aussi, grève générale à Séville, réprimée de façon modérée au canon et à la mitrailleuse. Hein. Tout ça pour dire que ça ne s'est pas passé déjà de façon calme. En mai, les monarchistes à Madrid avaient commencé aussi à provoquer, hein, on pourrait dire directement. Il y a la provocation aussi du primat d'Espagne hein, qui commence à dire que Satan est arrivé, hein, la République est son castigo divin, c'est un châtiment divin. Et il commence à monter, faire monter la sauce, etc. Hein. Et puis, enchaînement, provocation, etc. Finalement, le 10 et le 11 mai, ça se répand comme une traînée de poudre contre les églises. Des églises sont brûlées, des couvents sont brûlés partout en Espagne. Et on pourrait dire que les tensions vont se nouer, on pourrait dire, déjà à partir de là. La République espagnole proclame un État laïque, hein. Alors, c'est assez amusant parce que Manuel Azaña va faire une déclaration. Hein. L'Espagne a dejado de ser catholique. Hein. L'Espagne a cessé d'être catholique. Hein. Et il fait ça le 13 octobre 1931. Hein. Et c'est-à-dire le lendemain de la patronne, soi-disant, de l'Espagne, hein, la Vierge du Pilar, qui est le 12 octobre, hein, que les fascistes ont appelé la fête de la race, hein, Fiesta de la Raza. Donc il va y avoir deux ans de réforme dans lesquels il va y avoir une alliance entre les républicains de gauche, Azaña, hein, et les socialistes, hein, dans lesquels il va y avoir des constructions d'écoles, il va y avoir une timide réforme agraire, hein, mais tout ça encadré avec une ley de defensa de la república, c'est-à-dire une sorte d'état d'urgence permanent, qui était hérité d'ailleurs, qui était simplement la reprise d'un état d'urgence qui venait du gouvernement précédent. Hein. Qu'est-ce que l'on voit dans cet état d'urgence? Ley de orden público. En 18 mois de régime républicain, les provocations de la droite et les hésitations de la gauche provoquèrent la mort de 400 personnes, dont 20 appartenant aux forces de l'ordre, le décompte est le suivant, 3000 blessés, 9000 arrestations, 160 déportations, 30 grèves générales, 3600 grèves partielles, 161 journaux interdits, dont 4 de droite. Voilà. Et puis, l'armée essaye de se soulever, hein, en 32, avec Sanjurjo, et ce n'est pas la loi de défense de la République qui arrête le coup d'État, c'est la grève générale des ouvriers à Séville qui arrête ce coup d'État. Les choses se tendent et il va y avoir une sorte de radicalisation, et en particulier dans le Parti Socialiste. Ce Largo Caballero, qui apparaissait comme un opportuniste, on pourrait dire centriste ou même de droite, va tourner va se radicaliser au point, bon, d'ailleurs, le PC, pensant le récupérer, va lui donner le surnom de Lénine espagnol. Ils sont toujours au gouvernement, par contre. Et ce qui va se produire, ce sont des bavures. Des bavures, entre guillemets, ce qu'on dirait, des dérapages. Alors, Castilblanco, 1931, donc décembre 31, dans la première année de la République, c'est au siège de la FN, la Fédération Nationale des Travailleurs de la Terre, de l'UGT, donc ce n'était pas la CNT. La garde civile tue un paysan. Les paysans se précipitent sur les gardes civiles. Ils lynchent 4 gardes civils. Il va y avoir plusieurs autres incidents dans ce genre. Et puis là, 3 morts, Armedo, Zalamea, et puis finalement, Casas Viejas. Casas Viejas, c'est en Andalousie, où il y a un massacre de 33 paysans assassinés par Los Asaltos. Los Asaltos, c'était une police créée par la République, si vous voulez, une espèce de CRS, qui était, si on compare. Alors, ça va faire évidemment scandale, puisque dans la CNT... on fait courir le bruit que l'ordre aurait été donné, ni blessé, ni prisonnier, tiré dans la barriga, tiré dans le ventre. Bon, en réalité, ce bruit avait été répandu, c'est pas Atania qui l'avait dit, mais on pouvait dire que ça pouvait être crédible, puisque Atania va dire, oui, à Casas Viejas, a pasado lo que tenía que pasar. Il s'est passé ce qui devait se passer. C'était une phrase sibylline, mais qui était de dire, bon, ben, après tout, ils l'ont bien cherché, quoi. Le gouvernement, disons, d'alliance socialiste républicain est complètement discrédité. Et Hassan est discrédité lui aussi. Le PSOE ne peut pas tenir, pas face à... avec la poussée des militants qui disent « Mais attendez, on est en train même d'assassiner nos propres militants avec la propre loi que vous avez votée, vous. » finalement, l'Assemblée est dissoute. Il y a de nouvelles élections. Ce sont les élections de novembre 1933. Et là, renversement de tendance. La CNT a appelé à l'abstention. Il y a le vote des femmes, il faut le souligner. Wolf-Lussigny, pas du tout, parce que c'est à cause du vote des femmes qu'il va y avoir le vote à droite, mais parce que c'est en France, je crois que le vote des femmes n'aura lieu qu'en 1945 ou 1946. Mais en réalité, ces cortes vont donner une majorité à un parti, qui est le parti de Gil Robles, qui est un admirateur de Dollfuss, national-catholique, on pourrait dire. Les radicaux, etc. Comment on a expliqué ça? Alors, il y a eu souvent une explication qui était de dire c'est à cause de l'abstention des anarchistes, ou du vote des femmes. En réalité, si on regarde les résultats, ça n'a joué qu'à la marge. Je crois que c'est 2% de baisse. Par contre, ce qui avait changé, c'était le système électoral, qui était un système scrutin uninominal majoritaire, qui faisait qu'avec davantage de voix, même avec davantage de voix, on pouvait avoir moins de députés. En particulier, on voit, je ne vais pas entrer dans le détail des voix, mais à gauche, il y avait 3 400 000 voix, et à droite, il y avait 3 340 000 voix, et ça n'a pas empêché qu'il y ait une représentation dans la mesure où c'était une coalition. Si vous voulez, c'est un peu le même système que l'on a avec le gaullisme, c'est-à-dire qu'avec un système... une nominale majoritaire, on peut avoir une majorité large d'élus sans avoir une majorité de voix. Le projet de Gil Robles, il est conçu, c'est un admirateur. Alors, il faut souligner, ce n'est pas une plaisanterie, c'est qu'il découvre, il découvre à la fois Dollfuss en Autriche et Hitler En Allemagne. Alors Hitler en Allemagne, il découvre en particulier grâce à son voyage de noces. Hein, c'est curieux, il fait un voyage de noces, il va en Allemagne et il assiste au congrès de Nuremberg, au congrès du parti nazi. Hein. Quel était le projet de Gil Robles? Bon, moi j'ai repris simplement ce que dit un historien anglais qui s'appelle Gerard Brennan. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être en traduction, le labyrinthe espagnol. Hein. Et le programme de Gil Robles était conçu par étapes. D'abord un gouvernement de coalition avec les radicaux. Ensuite, il prendrait le pouvoir tout seul, élection arrangée, il changerait la constitution et les circonstances décideraient un état corporatif, suivant le modèle autrichien, ou si l'on restaurerait la monarchie. Alors, je dis aussi parce que souvent des historiens comme Benassa disent « Ah mais non, Gil Robles, c'était pas un fasciste. » C'est vrai que c'était pas un fasciste. Dollfuss non plus, c'était pas un fasciste dans le sens de Mussolini, par exemple, ou un nazi. Mais par contre, les objectifs étaient clairs. C'était constituer un état corporatiste, un peu comme va le faire aussi Salazar. Hein. Ce que dit Gil Robles, il s'exprime ainsi, nous devons marcher vers un nouvel état. Au prix d'un bain de sang, point d'interrogation, ce qui importe, c'est que nous avons besoin d'une solution intégrale. Voilà ce que nous cherchons. Pour nous, la démocratie n'est pas un but, mais un moyen pour réussir à conquérir ce nouvel état. Le moment venu, les Cortes se soumettront, les Cortes, c'est le Parlement, hein, se soumettront, ou nous les ferons disparaître. Si on voit l'arrivée de Hitler, hein, d'une certaine façon, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Et d'ailleurs, ça avait été salué par Malaparte, bien avant l'arrivée de Hitler, en disant, ben, maintenant, Hitler, il va pas essayer de prendre le pouvoir par la force, hein, parce que le mouvement ouvrier allemand est trop dangereux. C'est un petit bouquin, hein, je crois qu'il a été republié, ça s'appelle « Technique du coup d'État », et ça a été écrit en 1931. Donc, manœuvre avant l'insurrection, hein, qu'est-ce qui se produit? C'est que la FNT, d'une certaine façon, elle réagit immédiatement. Hein. Elle réagit immédiatement, c'est-à-dire avec des grèves, dès qu'il y a le résultat des élections. Ça se limite, bon, elle avait essayé à trois reprises de faire des insurrections, hein, comme disait García Oliver, il faut faire une gymnastique révolutionnaire, hein. Ça va échouer, et le mouvement, il va y avoir une grève insurrectionnelle à Saragosse en décembre 1933, qui va être un échec total, hein. Par contre, avant octobre 1934, il y aura une autre grève à Saragosse, terrible, qui dure un mois et demi, hein, qui paralyse totalement Saragosse, et où Durruti va, Bonaventura Durruti va, on pourrait dire, y avoir son auréole de gloire, hein, puisqu'on va évacuer par train entier et par camion les enfants des grévistes, hein, vers Barcelone pour que les grévistes puissent tenir. Hein. Tout ça pour expliquer que d'une certaine façon, le mouvement anarchiste arrivé octobre 34 va être d'une certaine façon très laminé et très, ce qui n'explique pas tout, hein, d'ailleurs. Hein. Quant aux jeunesses socialistes et à Lalo Caballero, tournant extrême à gauche. Fin 33, discours de Lalo Caballero, et on dira c'est la dictature du prolétariat, mais est-ce que nous vivons en démocratie aujourd'hui qu'avant nous, n'est-ce pas autre chose que la dictature de la bourgeoisie? Si nous ne cachons pas que nous allons vers la révolution sociale, il faudra bien y arriver par la violence. Prieto, que d'habitude, ensuite, dans l'histoire, on va considérer comme un droitier, hein, va avoir aussi un discours incendiaire. Aussi n'est pas le digne, c'est... il précise toutefois qu'il faut la dictature du prolétariat, mais on pourrait dire Blum aussi parlait de dictature du prolétariat aussi à l'époque. Hein. Il ne faudra pas prendre de mesures de socialisation dans l'industrie. Hein. Par contre, il propose de dissoudre la garde civile. Hein. D'exproprier toutes les propriétés de l'Église, etc. Hein. Alors on peut se demander pourquoi ce tournant brusque. Pourquoi ce tournant brusque? Et c'est d'une certaine façon à la Kirstein, hein, qui était un proche de Lalo Caballero, qui, enfin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait analysé ça après en 1936. Et il dit la tension révolutionnaire avait atteint un tel degré que si elle n'éclatait pas, le prolétariat de tendance socialiste aurait rompu ses cadres syndicaux et aurait rejoint les communistes ou les anarcho-syndicalistes. C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon sous la pression de sa base que Lalo Caballero, pour tenir, finalement, ses troupes est obligé de tourner. Donc, l'alliance obrera va se développer, mais elle va se développer uniquement. La première alliance ouvrière, elle va être signée à Barcelone, hein, mais c'est surtout aux Asturies où elle va prendre de la force. Alors, en Catalogne, la CNT est, on pourrait dire, ultra-majoritaire, enfin, on pourrait dire même hégémonique, et elle considère que s'allier avec des gens qui sont des opportunistes, il n'en est pas question, au niveau national non plus, donc elle est, ce que l'on appelle dans le vocabulaire de l'époque, anti-aliancista, contre l'alliance obrera. Et d'ailleurs, les responsables des Asturies vont se faire engueuler, enfin, dit familièrement, parce que, justement, ils ont choisi l'unité avec ces opportunistes de l'UGT dans les Asturies. À Madrid, les socialistes sont pour l'alliance ouvrière, mais en réalité, ils ne s'en servent pas. Ils considèrent que c'est eux qui décident, un point c'est tout. Point précis à Madrid, Lalo Caballero et les jeunesses socialistes qui sont à l'époque dirigées par Santiago Carrillo, mais qui à l'époque est socialiste, fait partie des jeunesses socialistes et critique violemment les jeunesses communistes en considérant que les jeunesses communistes sont trop molles, entre guillemets, que eux représentent la véritable révolution. Hein. La question va se poser pour savoir est-ce que si on laisse passer des ministres de la FEDA, pour le moment c'est un ministère qui est dirigé par les Rus, hein, par des radicaux, si des ministres de la FEDA, c'est-à-dire du parti national-catholique, entrent au gouvernement, c'est le début de la fin, c'est-à-dire que ça sera considéré comme une prise légale et le début l'accession du fascisme comme en Autriche. Et donc il faudra déclencher l'insurrection, ce qui est annoncé pratiquement. Hein. Le président de la République, qui s'appelle Nicetol Calatamola, hésite beaucoup, et puis finalement, on va décider que ce sont les socialistes qui vont décider de faire appel à l'insurrection. Donc à une grève, enfin, dans les termes, c'est pas l'insurrection, c'est grève générale révolutionnaire. Qui est très mal. Alors, c'est l'appel. Alors, il y a un vague comité de coordination révolutionnaire qui est organisé à Madrid. Hein. Et dès que l'on apprend que l'entrée. Là où Caballero n'y croit pas d'ailleurs, hein, mais il met ça comme menace. Et finalement, l'ordre est donné de se soulever, et on va voir que ça va se dérouler de façon très différente suivant les régions. À Madrid, hésitations, très mauvaise organisation. Grève générale, mais finalement ça va se finir par un échec. À Barcelone, ça va se combiner avec la question catalane. Et puis, il va y avoir des régions qui vont se soulever, comme au Pays Basque en particulier. En Andalousie, pas tellement, parce que la grève des ouvriers agricoles a été cassée au mois de juin, et en particulier le Parti Socialiste n'a pas voulu déclencher de mouvement ni soutenir la grève en disant « il faut attendre, il faut épargner nos forces hein. ». Et ce que l'on va voir, c'est finalement une grande confusion. En réalité, ce que l'on a vu, c'est qu'il n'existe pas de coordination centrale, alors que tout le monde attendrait que Madrid bouge. et en réalité Lalo Caballero, et les jeunesses socialistes vont se faire emprisonner sans problème. Par contre, il va y avoir des affrontements armés et une des plus longues grèves à Madrid qui va se produire. À Barcelone. Barcelone, c'est un peu une journée des dupes, parce que bon, il y a eu d'abord des affrontements sur une loi de fermage qui avait été adoptée par la Generalitat, c'est-à-dire par le gouvernement autonome catalan. Hein. Cette loi est votée par les Catalans, donc, par la majorité, mais elle est cassée par le tribunal constitutionnel à Madrid. Donc déjà, alors cette loi, elle visait tout simplement à protéger les petits vignerons hein, qui avaient été écrasés, enfin ruinés par le phylloxéra. Hein. Et donc on leur permettait d'avoir des contrats de fermage avantageux, qu'on avait appelé le contrats de conreo en catalan. Hein. Et donc déjà, opposition, affrontement entre le gouvernement de Esquerra Republicana, mais qui est aussi soutenu par un autre parti, mais qui est encore plus extrémiste que Esquerra, qui est Estat Català, État catalan. Dès que l'on annonce, et puis il y a l'Alliance ouvrière en Catalogne. L'Alliance ouvrière suit les consignes de Madrid, appelle à la grève, et effectivement il va y avoir des grèves ouvrières, alors que la CNT dans Barcelone refuse d'appeler à la grève, alors que ses propres militants sont souvent en grève. Il faut préciser aussi que le gouvernement catalan a fermé, a mis sous scellé les sièges de la CNT, et donc est en conflit, on pourrait dire, avec la CNT. Et donc quand éclate le mouvement, la CNT à Barcelone dit « Mais attendez, on ne va pas se soulever, nous, pour ces gens-là qui, en plus, les catalanistes dont on n'a rien à faire et qui sont, sont dirigés par ailleurs par une sorte d'aventurier qui s'appelle Dencas, hein, et qui, le 5 octobre, fait sortir des milices armées, hein, qui s'appellent les Escamots. Le 5 octobre, Companys, qui est le président de la généralité, appelle au calme. Il fait un appel je crois que c'est à 20h, Catalans, restez chez vous, etc. Hein. Catalans, les forces monarchistes et fascistes qui se donnaient pour objectif la trahison de la République sont parvenus à leur fin et ont pris le pouvoir d'assaut en ce moment solennel au nom du peuple et du Parlement, du gouvernement que je préside. J'assume toutes les prérogatives du pouvoir en Catalogne et je proclame l'État catalan de la République fédérale d'Espagne. C'est-à-dire, si on fait attention, si on prête attention aux termes, il ne déclare pas la sécession. Il dit, la République, le gouvernement à Madrid s'est mis quelque part hors la loi, hors de la légalité, et j'appelle les autres forces politiques à constituer une République fédérale en Catalogne. En réalité, ça va tourner, comme on dit en espagnol, en aguas de borrajas, c'est-à-dire un autre vilain, hein, dit filigramment. Companys appelle le gouverneur militaire à le rejoindre, l'autre il sort de ses casernes, tête, il l'arrête, et il y a une petite résistance, et puis quant aux escamots qui flagornaient et se promenaient dans les rues avec leurs fusils, au premier coup de feu, ils se débandent et cachent les fusils dans les égouts, ce qui va servir ensuite pour les anarchistes le 19 juillet 36, hein, qui vont ramasser les armes. Hein. D'accord. Bon, alors, l'insurrection des Asturies elle-même. Hein. Pour situer les Asturies, il y a une carte là. Hein. Ce n'est pas une région de l'Ordre. Hein. C'est tout de suite après Santander, Oviedo. Et là, c'est-à-dire, ça représente une région qui est à peu près l'équivalent du département de la Gironde. C'est pas très, très, très grand. Hein. C'est 350 km de côte. Avec des côtes très découpées, avec des rias, hein, c'est des espèces de fjords. Hein. Tout le déroulement des opérations se déroule dans une sorte de triangle inversé, c'est-à-dire en haut, le port, le grand port qui est Gijón. Ensuite, à gauche, un autre port qui est Avilés, qui est au fond d'une ria. Et au centre, Oviedo. Oviedo, qui est la capitale des Asturies. Et puis un peu au sud, à 50 km au sud, la zone des mines, les houillères de Mieres, etc. Hein, et fermant les asturies de la zone de León, c'est-à-dire enfin, León et la Castille, hein, le col de Pasajes, qui est assez haut et qui est à 1300-1400 mètres d'altitude. Hein. C'est une région de montagne, bon, qui a été une région qui a une tradition de résistance. Enfin, dans la légende, c'est là qu'aurait commencé la reconquête de Pelayo, hein, voilà. Et contre les Arabes. Enfin, en réalité, bon, c'est un peu comme Poitiers, c'est-à-dire c'est une refabrication de l'histoire, après coup. Hein. C'est surtout une région qui est une région de mines et de sidérurgie et de fabrication d'armement. Ce qui va avoir une importance énorme. Hein. Alors, ces mines, elles ont d'abord été exploitées par les Espagnols, mais ce sont surtout les Anglais et les Français qui vont exploiter ces mines. Hein. La Société houillère et métallurgique des Asturies, la Duro Felguera, et l'Asturian Mining Company, hein, qui est une entreprise anglaise. Et puis, fabrication d'armes et d'explosifs, hein, à Trubia, la Monjoya, Oviedo, la Vega. Et puis, toute une série de rivières autour du Nalón, du Laviana, qui sont autant de zones industrielles et minières et sidérurgiques. Hein. Alors, les organisations ouvrières, c'est la région d'Espagne qui est la plus syndiquée à l'époque. Au niveau des organisations, la plus forte organisation, c'est la Fédération Socialiste Asturienne, hein, qui est de tendance, qui a 8000 militants, hein, tendance plutôt prieto, c'est-à-dire centriste. Hein, pour voir les tendances du Parti Socialiste à l'époque, hein, d'habitude, on va dire que les tendances gauches, entre guillemets, c'est Francisco Garo Caballero. Tendance droite, Julián Besteiro, et tendance centre, Inácio Prieto, qui lui est très lié au mouvement basque, au mouvement ouvrier basque. Hein. Les syndicats, le syndicat c'est surtout la UGT, l'UGT et surtout le syndicat des mineurs, le SOMA. Le SOMA qui regroupe le plus gros des militants, hein, 25 000 militants au SOMA, au syndicat. Alors, qui est une puissance financière, le SOMA. Il possède des théâtres, il possède des Athénéos, il possède même une mine. Hein. L'UGT a 40 000 syndiqués, rien que aux Asturies. Hein. 25 000 au SOMA, mais elle n'en déclare que 13 000 à la Fédération Nationale. Hein. Alors là aussi, c'est une particularité dont il faut tenir compte, c'est que chaque région, quelque part, a une autonomie, que ce soit dans la CNT ou dans la UGT. Il ne faut pas voir ça comme actuellement des syndicats qui obéissent à droit et à l'œil comme une armée. C'est tout à fait différent. Hein. En particulier pour la CNT, mais quelque part aussi pour la UGT. Hein. La CNT a entre 21 600 et 30 000 militants. Je parle rien que des Asturies. Hein. La FAI a 600 membres, le PCE a 850 militants, le BOC et l'IFE, bon, ce qui seront le futur POUM, 50, hein, et la CGTU a 3000 cartes. Alors je dis ça parce que je vous ai amené un journal que je lis de façon familière, c'est l'Humanité Dimanche, hein, qui donne des chiffres assez fantaisistes, qui donne 6000 militants. Au syndicat des mineurs contrôlés par le PC. Contrôlé par le PC ne signifie pas des militants du PC. Alors, le SOMA, il avait été fondé en 1910 par Manuel Yanez et Ramón González Peña, que l'on retrouvera pendant la Révolution des Asturies. Hein. Ce syndicat, bon, il y a eu une scission. Bon, qui est allé vers le Parti communiste, mais ils ont été expulsés. Hein. Il reste encore le principal syndicat des mineurs. Je dis aussi pour une raison, hein, c'est que quand on regarde les textes d'un historien espagnol, enfin, oui, espagnol, oui, hispaniste, moi, qui a surtout travaillé à Pau, hein, Manuel Tullion de Lara, dit, ah oui, mais le syndicat majoritaire était le syndicat du PC, le syndicat unique. Sauf qu'il y avait deux syndicats uniques. Il y avait le syndicat unique qui était en réalité le syndicat de la CNT, qui ça n'était pas du tout dans le sens du syndicat unique tel que l'entendaient enfin, les staliniens de l'époque. Hein. D'accord. Bon, donc il y a cette espèce de confusion de signes, et quand on regarde les chiffres, c'est pas du tout la même chose. Alors, il y a un élément aussi qui va jouer dans le combat, c'est le rôle du journal Avancé. Avancé est dirigé par un personnage haut en couleur, hein, qui s'appelle Javier Bueno, hein, qui a un culot monstre, hein, il va tenir un meeting dans un... il dit, bon, ben, ça serait bien un jour qu'il tient un meeting juste avant l'insurrection, hein, c'était pour soutenir les paysans. Il dit, ouais, bon, ça serait bien qu'on se réunisse, mais il serait temps, pas de se réunir pour discuter, mais pour faire justice. Et puis, maintenant, je vais mettre les points sur les i. Hein. Il faut appeler un chien-chat, le ministre de l'Intérieur, un salopard. Alors, bon, il y avait la police dans le truc, il est immédiatement arrêté, et donc il se retrouvera relâché. Bon, ce malheureux Javier Bueno, hein, finalement, fera la guerre civile, etc. Et quand les troupes franquistes vont rentrer à Madrid, en avril 39, hein, il sera arrêté, il sera jugé en 10 minutes et étranglé au garrot. Hein. C'est un versage extrêmement enfin, attachant et passionnant. Hein. Alors, la CNT et les anarchistes, hein, c'était un... alors, si vous lisez, enfin, en particulier le livre de Brennan, Le labyrinthe espagnol, hein, il parle en particulier de la grève de 33 de la Felguera, hein, où les anarchistes étaient majoritaires. Mieres était plutôt les socialistes. Hein. La grève la plus acharnée et héroïque des annales de la classe ouvrière espagnole fut celle de la fonderie d'acier de la Felguera, d'Ulo Felguera, près de Gijón, aux Asturies, au cours de l'été 1933. 2800 travailleurs de la CNT, c'est-à-dire la population tout entière de la ville, se déclara en grève contre les licenciements. 9 mois de faim, mais qui coûtèrent aux patrons obstinés des millions de pesetas et s'achevèrent par le triomphe écrasant des grévistes. Dans aucun autre pays, attention, Brennan n'est pas un anarchiste, hein. Dans aucun autre pays, si ce n'est l'Espagne, il est possible de mener une grève semblable, et qui plus est, c'est seulement parmi les membres de la CNT, chez qui ce que l'on peut appeler l'honneur et le sentiment de dignité des travailleurs est plus puissant que n'importe quelle autre considération matérielle. Alors, l'Alianza Obrera, elle va se nouer entre les dirigeants de la CNT, les dirigeants de l'UGT des Asturies, ceux qui vont signer ce pacte, hein, je vous le lis, il va être fait le 31 mars 1934, hein, au prolétariat des Asturies, confronté à la situation politique et sociale. Quels sont les buts? Alors, c'est l'UGT, la CNT et la Fédération Socialiste Asturienne, la FSA, bon, qui faisait partie du PSOE. Hein. Premièrement, lutter ouvertement contre le fascisme. Deuxièmement, s'opposer à tout projet de guerre concernant l'ensemble des pays du continent européen, comme tout autre projet similaire en rapport avec la question coloniale en Afrique. Les autres organisations ouvrières qui, de manière sérieuse, seront prêtes à œuvrer pour atteindre les buts proposés pourront demander leur entrée, etc. Hein, et avec une précision, elles devront rompre avec les organisations bourgeoises. Ah. Thank you, Berebasque. Berebasque. Berebasque. Et le 12 septembre, il ne faut pas oublier la ligne qui était celle du PCE, hein, abat les socialistes, abat les anarchistes, hein, le Comintern envoie un messager à Madrid, il faut absolument tourner à toute vitesse parce qu'il sait que l'insurrection va exploser. Et donc le 12 septembre, réunion du comité central du PCE à Madrid, et qui appelle à toute vitesse ses militants à rejoindre les alliances ouvrières, au point que certaines sections d'ailleurs du PCE hein, n'entrent dans les alliances ouvrières que quand l'insurrection a déjà commencé. Alors, qu'est-ce que l'on va voir? Le problème de l'armement. problème de l'armement, ils ont pratiquement pas d'armes. Si, ils ont des bâtons de dynamite. Prieto avait fait venir un bateau, hein, il y a eu tout un mythe, en particulier, j'ai vu qu'il y avait le livre ici d'un historien anglais, là, le Beaver, qui dit bon, ils ont été armés par des apports d'armes de du Toulquet, ça c'est faux. Toulquet, ça, ils se sont fait avoir au moment du débarquement des armes. Hein, c'était des armes qui étaient destinées aux révolutionnaires portugais. Hein. Et le Toulquet, ça. Alors, Prieto, qui était quelqu'un d'assez habile, qui était ami de Horacio Echevarrieta, hein, qui était un industriel basque, hein, avec qui il avait négocié d'ailleurs le rachat des otages, des derniers prisonniers au Maroc, que tenait Abdelkrim. Hein. Donc il affrète un bateau, bon, sauf que le gouvernement les attend, et pratiquement ils ne pourront récupérer que, je crois que c'est 98 caisses de munitions, hein, mais pratiquement rien. Hein. Et le bateau finalement va être détourné vers Bordeaux et sera récupéré par le gouvernement. Alors, le jeudi 4 octobre, on apprend que donc, je vais en venir rapidement à l'insurrection. Hein. Celui qui amène le message, enfin, c'est assez romanesque d'ailleurs, il amène un petit papier dans son chapeau, hein. C'est Teodomiro Menéndez, qui est d'ailleurs un centriste, hein, plutôt, c'est pas du tout un excité. Hein. Il donne le mot d'ordre de grève générale insurrectionnelle. Et donc Manuel Grossi, le gros d'ailleurs des témoignages que l'on a eu en direct, c'était Manuel Grossi qui avait été condamné à mort. Il écrit son livre en prison. Hein, il arrive à faire passer ses papiers. Enfin, il est mort en 84 à Brignoles, d'ailleurs, hein, c'est Manuel Grossi. Et Manuel Grossi et Ramon González Peña bon, décident de... Bon, il faut y aller, hein, donc immédiatement, les jeunesses prennent les dispositions. Le modus operandi, il est assez simple. Hein. On assiège les casernes des gardes civils ou des assaltos. On entame des pourparlers pour voir s'ils se rendent. Assaut au fusil ou à la dynamite. Et on envoie des détachements dans d'autres localités. S'ils se rendent, on les fait prisonniers, on les prend en otage, sinon on les tue. Donc, dans la nuit dans la journée du 5 octobre, le mouvement s'étend. Mieres, la Reboyed, enfin, je ne vais pas vous faire tout l'itinéraire de toutes les villes qui sont prises, mais pratiquement toutes les casernes, une quarantaine de casernes sont prises, comme ça, au fusil et à la dynamite. Des comités révolutionnaires sont nommés. Un comité révolutionnaire en particulier à Mieres comporte deux socialistes, deux anarchistes, deux communistes officiels, c'est-à-dire le PCE, et un du BOC, le Bloc Obrero, les campesinos. Hein. Et les socialistes et les anarchistes veulent en exclure les communistes, et c'est Grossi qui refuse, hein, disant mais non, ils se sont battus avec nous, il n'y a pas de raison que l'on rompe l'unité. Au sud, les insurgés prennent le col de Pasajes, mais finalement, dans l'enthousiasme, ils refluent vers Oviedo. Et la Felguera, qui est anarchiste aussi, prennent de la même façon la ville. À Oviedo, ils n'ont pas le temps. Enfin, l'opération qui devait être menée le 5 n'est menée que le 6. Alors Oviedo, je ne sais pas si vous connaissez Oviedo, hein, c'est une espèce de cuvette qui est dominée par une montagne, enfin une colline, hein, qui s'appelle le Naranco. Hein. Et donc l'important c'est de prendre justement le Naranco, et donc il va y avoir trois colonnes de mineurs qui vont descendre, une du Naranco, une par le sud, une autre par l'ouest. Et on prend pratiquement tout Oviedo, mais il faut souligner que contrairement à ce qui a été souvent dit, hein, la capitale des Asturies est quasiment aux mains des insurgés, mais elle ne sera jamais totalement prise parce que les militaires se réfugient dans des couvents, dans des monastères, hein, etc. Hein. On prend Arijón aussi, qui est à majorité CNT. La ville n'est pas totalement maîtrisée non plus par les insurgés. Les 9 octobre, les révolutionnaires, alors ça c'est à souligner par rapport à la commune de Paris, s'empare du coffre-fort de la Banque d'Espagne. 14 400, je ne sais pas combien, pesetas, hein, bon, ce qui est assez important, et prennent 20 000 armes. Ils vont prendre ensuite des canons et des mitrailleuses. Et ils vont prendre des trains, et ils vont construire aussi des blindages de trains. Hein. Alors, on peut se dire, bon, les combien de morts ça va faire, hein, parce qu'on a beaucoup... On a beaucoup raconté d'histoires sur les morts. Hein. Au niveau des gens assassinés, une majorité de curés. De curés et de moines. Et on peut l'expliquer pourquoi hein, aussi. Hein, c'est que les prêtres étaient en général en relation avec le patronat à Oviedo. Oviedo est dans toutes les Asturies, dans toute l'Espagne. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que le mouvement anticlérical en Espagne est certainement des plus radicaux qu'il y aura en Europe. On pourrait en discuter pourquoi. Hein. Alors, il y a entre autres 33 prêtres assassinés et 10 autres sont soit des mouchards, soit des ingénieurs supérieurs. Hein. C'est Brennan aussi, hein, j'ai pris comme source, il cite le cas de 6 maîtres des écoles chrétiennes qui sont fusillés. Sont déclarés martyrs, hein, parce que maintenant on a un tsunami de martyrs par les leaders du Vatican. Hein. Ces religieux étaient chargés de former un nouveau type d'organisation sur le modèle des syndicats ouvriers catholiques autrichiens. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement des prêtres ou hein, des curés. Hein. Et enfin, de toute façon, le fait d'être prêtre ne préserve pas non plus d'avoir un rôle politique. Hein. Et c'était Angel qui disait que bon, effectivement, c'est regrettable qu'on ait guillotiné Lavoisier, sauf que Lavoisier était fermier général. Et donc, tout ça pour dire que les massacres que l'on a racontés, tout ça, c'est relativement réduit par rapport à ce que l'on a raconté. Alors, la riposte gouvernementale. Elle va être terrible. On va de Madrid, on va piloter. Alors le ministre de la guerre va décider d'appeler un militaire qui avait déjà exercé ses talents au Maroc et aux Asturies en 1917 lors de la grève générale des Asturiens. Il y a eu une grève générale en Espagne hein, en 1917. Et donc il va appeler Francisco Franco Barabonde, qui s'est illustré dans les guerres au Maroc. Hein. On va hésiter évidemment pour réprimer à appeler le contingent qui pourrait être susceptible de passer de l'autre côté. Hein. Et donc on va appeler des militaires professionnels, c'est-à-dire la Légion. Alors la Légion, on appelle Légion étrangère, hein, qui est calquée sur le modèle de la Légion étrangère française. Hein. Et puis des mercenaires marocains, ce qu'on appelle los regulares. Donc, les réguliers. Comment ? En quelle année ? En 1934. Hein. Ouais. Mais ces troupes, enfin, qui correspondent un peu à des. On pourrait dire des harkis. Plutôt les spahis, hein, parce que c'était des mercenaires, c'était pas des. Voilà. Donc ils sont utilisés comme une force de répression. Alors je sais pas si vous avez. Bon, il y a une image qui est souvent montrée pendant la guerre civile espagnole. Ce sont des hommes qui prennent des têtes coupées, qui sont tranchées, hein, qui a été utilisé d'ailleurs pour la propagande en disant. D'un côté, les fascistes expliquant que ce sont les républicains qui ont fait ça, et d'autre côté, ce sont les fascistes. En réalité, c'est une photo qui date de 21 de la guerre du Rif. Voilà. Donc, entre autres, un des hauts faits qui avait été raconté en particulier pendant cette guerre du Rif, ça avait été une princesse proche de une grande d'Espagne, hein, proche de d'Alphonse XIII, pour son anniversaire, on lui avait offert un bouquet de roses. Hein, et à l'intérieur du bouquet de roses, il y avait une tête de Marocain qui a été tranchée à l'intérieur. Hein. Enfin, c'est pour dire que quand on parle de la barbarie, elle n'est pas toujours du côté de l'autre. Hein. Bon, bon, donc c'est malheureux finalement. Alors, il y a des renforts qui arrivent le 8 octobre. Alors, on pourrait dire. 5 de 5 côtés, hein, et bombardement également par l'aviation, plus bombardement par la mer. À partir du 11 et 12 octobre, tout le monde se demande, Madrid, qui a c'est Madrid ? Madrid, que fait Madrid ? Parce que finalement, ils ont l'impression d'avoir été lâchés par tout le monde. Bon, dans la nuit du 13 au 14, les leaders sont... les dirigeants, je pourrais dire les plus significatifs, ils sont tués en combat. Bonifacio Martín Puerta pour l'UGT, José María Martínez pour la CNT, et on parle aussi de Aida de la Fuente Penaos, qui a été montée parce que c'était une jeune fille et parce qu'elle était au PC, qui est aussi tuée. Le 13, le 14 octobre, donc fuite des insurgés qui se réfugient vers le sud, vers Sama et Mieres. Sama va être le dernier bastion de l'insurrection. Le 18 octobre, finalement, Bernardino Tomás, qui a engagé des pourparlers avec López Ochoa, qui est le dirigeant de l'expédition gouvernementale, finalement vont être obligés de se rendre. Comme le dit, je lirai à la fin en entier le discours de Bernardino Tomás, camarades de soldats rouges. Alors pourquoi soldats rouges? Parce qu'il y avait encore le mythe, on pourrait dire, de la révolution russe. On parle d'armée rouge, mais l'armée rouge en réalité est constituée aussi bien de socialistes, de communistes que d'anarchistes. Camarades de soldats rouges, tenez compte, chers camarades, que notre situation n'est autre que celle d'une armée vaincue momentanément. Bon. Ce qu'on appelait la commune des Asturies, je pense. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des comités révolutionnaires vont se constituer. Ces comités révolutionnaires vont prendre toutes les dispositions. Alors, ils ne sont pas élus, contrairement à la légende qu'on a fait, c'est-à-dire qu'ils sont désignés pratiquement par les organisations, que ce soit les anarchistes, les socialistes, les communistes. Et on leur fait confiance, on pourrait dire, c'est en assemblée qu'on les reconnaît. Mais il n'y a pas de vote formel. Je pense que ça ressemble, moi j'étais frappé par ce que dit Anna Arendt sur un texte qui s'appelle De la Révolution. Elle parle ce que pouvait être ce genre de comité. On pourrait dire que c'est un peu la même chose que l'on retrouve aux Asturies. Le rôle des sections de la première commune de Paris dans la Révolution française, des organes populaires, les communes, les rates, je suppose que ça veut dire les communes. C'est les conseils ouvriers. Les conseils, non, rate. Rate. Non. Je pense que ça veut dire commune, non? Rate. Rate en allemand. En allemand. Ça veut dire rate. Commune. Commune, hein? Commune. Commune, ouais, c'est ça. Les soviets manifestement décidés à survivre à la révolution. Ce à quoi on assistait dans les faits, c'était une désintégration accélérée de l'ancien pouvoir, la surprenante formation d'une structure nouvelle de pouvoir qui ne devait son existence qu'au peuple et à ses élans organisateurs. Alors, ces comités vont aller très loin, c'est-à-dire avec une organisation en particulier de la santé, même suppression dans certains endroits de l'argent, remplacé par des bombes, des balles. Ça a duré combien de temps en tout ? 10 jours. Ouais, d'accord. Ça a été très court, 15 jours, s'il y a un truc. Bon, l'armée rouge aussi, ce qu'on peut dire. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la propagande n'était pas non plus très géniale de la part de ces malheureux révolutionnaires. C'était souvent, ils se sont intoxiqués eux-mêmes pour essayer de combattre l'intoxication qu'il y avait en face, en racontant par exemple que l'Espagne entière était en feu, ce qui était faux. Alors, l'armée, ce qu'ils ont appelé l'armée rouge, c'était une armée de volontaires, de miliciens, une armée unique, alliant le courage et une grande efficacité, précisément parce qu'elle connaissait les risques, et parce qu'elle était motivée, elle savait pourquoi elle se battait, pour la liberté, pour l'émancipation. Je veux dire, on pourra en discuter, c'était par rapport à ce que l'on appelle la discipline, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était des gens qui, paradoxalement, reconnaissaient, acceptaient l'autorité de chef, de groupe de combat qui avait surgi spontanément. Alors, la répression, elle va être terrible. avec des massacres à l'arme blanche, au marteau, enfin, des gens enterrés vivants dans des puits, etc. Hein. Enfin, une sauvagerie incroyable. Enfin, évidemment, les méthodes de l'armée coloniale, émasculation, sein coupé, viol, etc. Hein. Donc, j'en passe avec des tortionnaires. On pense qu'il y a eu à peu près 15 000 personnes torturées hein, dans cette période-là, dans la répression. Alors, ce que cherchaient les tortionnaires, c'était savoir où étaient les chefs, savoir avoir des informations aussi sur l'argent qui avait disparu, récupérer les armes. Et puis, on pourrait dire aussi se livrer à un sadisme ordinaire de ce genre de gens. Hein. Celui qui s'est illustré là-dedans, c'était celui qui est le plus connu, c'est Lizardo Doval Bravo, qui est un ami d'enfance de Franco, au Maroc. C'est pour ça qu'il l'a pris pratiquement jusqu'à la fin comme conseiller personnel pour sa garde. Hein. Il est mort dans son lit, je crois, un mois avant Franco. Hein. Et ce qu'il disait, c'est pareil, les Asturies, le Maroc. Il n'y a que le paysage qui change. Es lo mismo Asturias, Marruecos, no cambiará más que el paisaje. Hein. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que nombre de ces tortionnaires qui auraient fait leurs premières armes au Maroc et ensuite aux Asturies, ils seront utilisés, ils feront une belle carrière dans le personnel franquiste, hein, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Voilà. Alors, 10 000 hommes et femmes sont jugés. Alors, il va y avoir quand même une campagne internationale qui va être menée, hein, en particulier en France aussi. Vincent Auriol va appuyer à fond Prieto, qui était arrivé à s'échapper, hein, puisque certains sont arrivés à s'échapper à travers la montagne. Hein. Des tribunaux d'exception se constituent, 23 condamnations à mort. Hein. Bon, celui qu'on considère comme les plus détachés, hein. Ramón González Peña, Teodomiro Menéndez, des militaires aussi. Hein. Et finalement, hésitation au sommet du gouvernement, Robles, lui, il veut des exécutions. Hein. Il veut faire un exemple. Hein. Et par contre, le président Nicetol Calatamora et Alejandro Lerroux hésitent d'autant plus que on avait déjà amnistié ceux qui avaient essayé de faire le coup d'État en 1932, sans roule. Donc, disant, bon, il ne faut pas y aller trop fort, hein, disons, on va se contenter, bon, on a déjà assassiné pas mal de gens. Hein. Alors, je rappelle qu'on a assassiné 2000 personnes à peu près pendant les combats, hein, sous des formes diverses et variées, hein, et 1000 de plus, c'est-à-dire 3000. Alors, il y a une contestation dans les chiffres. Mais alors, c'est assez amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais tout le monde veut faire du sérieux dans les chiffres, en disant, non, il ne faut pas exagérer, ça ne faisait pas tellement. Hein. Et en particulier, dans l'Humanité dimanche, dit, ça fait 1300. Alors, je me suis demandé pourquoi ça faisait 1300. Alors, les 1300, on les retrouve dans Yucatán, la guerre d'Espagne. Mais les 1300, c'est un chiffre qui est donné par le gouvernement de Lerroux, 1935. Donc c'est pas le chiffre habituel, hein, d'ailleurs. C'est ça. Un document du ministère de l'Intérieur du 3 janvier 1937 fixait les pertes pour toute l'Espagne en octobre 34 à 1335 et pas 1336. Hein. Tués, etc. Ben, voilà. Et bon, il y aura deux fusillés militaires. Que l'on accuse, bon, il faut que ça soit militaire quand même qui soit exécuté parce qu'il est passé du côté des insurgés. L'exécution est totalement trafiquée. Et puis un employé de commerce, hein, qui s'appelle Pichalitu, hein, qui s'appelle Arguelles, que Hugh Thomas, qui je rappelle est quand même quelqu'un de. Un militaire, un historien sérieux. Qui caractérise comme il s'agissait d'un bandit de Barcelone. Voilà. L'autre conséquence aussi de cette répression, hein, c'est 30 000 prisonniers dans toute l'Espagne. Ce qui va avoir des conséquences, c'est que lors des élections de 1936, un des éléments qui va motiver beaucoup de gens à voter et à dire qu'il faut quand même voter, même si c'est une coalition schmilblick qui s'appelle le Front Populaire, hein, il faut quand même voter. Pour libérer ces prisonniers. Et puis, un nombre incalculable de gens qui ont été licenciés des entreprises. Voilà. Alors, ce qui se produit, c'est que le résultat, il est quand même assez paradoxal, parce que la coalition va s'effondrer, en particulier affrontement entre le Roux et Gil Robles, qui essaye de passer à vitesse supérieure, et puis en particulier, il essaye de prendre des mesures pour supprimer la laïcité. Et alors le Roux, ça c'est le seul principe auquel il tient encore, même s'il est corrompu jusqu'à l'os. Hein. Et donc toute une série de jeux, de crises parlementaires et autres, et puis arrivent deux scandales. Ça nous rappelle l'affaire Stavisky en France 34, hein. Deux scandales. Alors le scandale Strauss, c'est pas Strauss-Kahn, hein, c'est Strauss-Peel. C'est-à-dire c'était une espèce de roulette trafiquée. Hein. Alors le mot d'ailleurs il est resté maintenant comme un nom commun. Ça a donné le mot Estella Perlo qui veut dire marché noir indirectement. Hein. Donc où est mouillé le personnel, enfin, des amis proches et de la famille de Les Roux. Et puis un autre scandale qui on pourrait dire va achever la coalition, hein. C'est le scandale Numbella. C'est un scandale de fourniture à l'armée au Maroc dans lequel les officiers se sont servis en passant, en laissant traîner les mains. Hein. D'accord. Donc, finalement, on décide de dissoudre l'Assemblée. Gil Robles est tout content parce qu'il se dit, ben, les prochaines élections, je vais les gagner. Ce seront les élections de février 36. Et on sait comment ça va se terminer. Alors, quelques réflexions, et puis après, je pense qu'on pourra... Ah oui, il y a un point qui est assez intéressant, c'est un accord, je ne sais pas combien tu me donnes, 5 minutes de plus. Non, vas-y, je ne sais pas, vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez encore écouter. Voilà. Alors, il y a 10 minutes comme ça après. Voilà. Alors, il y a des accords militaires qui vont se dérouler entre Portela Valladares, qui est membre du Parti Radical, et Laval, 1935. Et c'est des accords militaires qui prévoient de fournir des armes à l'Espagne en cas de demande. Hein, c'est une ligne de 20 millions de francs, hein, pour des achats d'armes. Hein. Et ce sont visiblement des achats d'armes qui étaient prévus au cas où il y aurait à nouveau une insurrection en Espagne. Et curieusement, c'est au nom de ce traité fait entre un gouvernement réactionnaire, hein, c'est à l'époque où Laval avait fait les décrets-lois, hein, de Laval, hein. C'est au nom de ce décret-loi que Hilal, en juillet 36, quand Franco se soulève avec les militaires au Maroc, hein, qu'il demande de l'aide à Blum en vertu de ce traité. Hein. Alors, quelques réflexions, et puis je pense on pourra ouvrir la discussion. Hein. L'Alianza Obrera, ce qui est sous-tend toutes les discussions en général, hein, c'est que l'Alliance Obrera, finalement, et le Front Populaire, c'était la même chose. Or, en réalité, ce n'était pas du tout la même chose. L'Alliance Obrera, elle était faite sur la base, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'était comme ça que l'avaient conçu ce qu'il avait fait. C'était une organisation qui n'était pas interclassiste, qui était une organisation, une alliance d'organisations prolétariennes, d'organisations ouvrières. Or, et à tel point d'ailleurs que l'accord qui avait été fait de l'Alliance Obrera, se disait toutes ces organisations qui auraient une relation organique avec des partis bourgeois les rompront automatiquement. Et d'ailleurs, très vite, hein, Unión Socialista de Catalunya, qui était dirigée à l'époque par Comorera, puis ensuite deviendra dirigeant du PSOUK, c'est-à-dire le PC catalan, hein, est expulsé de l'Alliance Obrera de Catalogne, justement parce qu'il entre dans le gouvernement de Companys. Hein, de Companys. Bon, quand on le voit, même Tunión de Lara, qui est proche du PC, hein, puis à un moment, l'histoire a été écrite, l'histoire en particulier de la guerre d'Espagne et autres, hein, a été écrite par des gens qui étaient proches du PC, il n'y a qu'à voir même le film Mourir à Madrid. Hein. Mm-hmm. Manuel Tunión de Lara, qui était proche du PC, hein, en octobre 1934, aucun fait pratique ne semble étayer cette collaboration avec les Républicains. C'est-à-dire, à aucun moment, les Républicains, même de gauche, ne sont entrés dans les Alianzas Obreras. Alors, pourquoi, deuxième point, pourquoi l'échec? Moi, je reprendrai, bon, j'ai beaucoup utilisé, il n'a pas été traduit, c'est Asturias, le livre de Paco Ignacio Taibo II, qui est surtout un écrivain mexicain, qui écrit des romans policiers. Hein, Et ses parents sont pas asturiens? Pas d'origine asturienne? Il est d'origine asturienne, il est né aux Asturies. Voilà. Il est né aux Asturies. Et bon, son père était un responsable syndical des Asturiens. Une question qui nous semble un peu absurde, où les mineurs ont-ils appris l'art de l'insurrection? Alors, pourquoi l'échec? Il n'existe pas de crise révolutionnaire, il n'y a pas de vide du pouvoir, le gouvernement n'est pas isolé, il a une base réelle sociale, et l'appareil militaire ou policier est quasi intact. La classe ouvrière n'est pas utilisée, n'est pas unifiée, à l'intérieur du PSOE, c'est l'ambiguïté. Aux yeux des grandes masses, le projet révolutionnaire n'est pas clair. Quel est l'objectif de la révolution? Arrêter le fascisme, sauver la République, faire la révolution sociale. Les armes semblent très peu nombreuses, et la surprise n'en est pas une, puisque l'on se fixe par rapport à l'ennemi, quelle sera la date? Et donc, il conclut, si l'insurrection triomphe à Madrid, si l'armée se désagrège, si la CNT s'y joint de manière décidée, si, tout est possible, mais c'est difficile, très difficile. Hein. Défaut de préparation, oui, mais si on regarde même la guerre civile espagnole, ce que disait l'ambassadeur d'Allemagne à Madrid, le 23 juillet, il est fort peu probable que les insurgés triomphent. C'est-à-dire qu'il n'était pas écrit non plus que les choses allaient se passer telles que... Bon, après, on refait l'histoire, évidemment. Hein. Et puis, il y a le dernier argument, hein, qui est de beaucoup d'historiens actuellement. Hein. Alors, on prend Max Gallo, on prend Salvador de Magno, Claudio Sánchez del Bono, Bartolomé Benassar, Gabriel Ranzato. Bon. Et il y en a une autre, d'autres, mais même l'anglais aussi. Hein. Et il dit quelque chose qui est très clair. À propos de la justice, la CEDA était le parti majoritaire des Cortes. Les socialistes s'étaient institués en défenseurs de la République. Nombre d'historiens piégés par le jeu formel de la justice parlementaire préviennent que l'abandon de celle-ci par les socialistes les condamnait historiquement à perdre au regard du futur tout droit à s'ériger en défenseur de cette légalité. Pour l'immense majorité des masses ouvrières de l'an 34, il y avait une justice plus élémentaire, plus directe, que sans doute très peu de leurs représentants politiques purent exprimer avec lucidité. Elle voulait barrer la route au fascisme qui avançait à toute vitesse en Europe. Elle voulait le pouvoir. Elle voulait une société nouvelle. Et on peut se poser la question si octobre n'avait pas eu lieu. Mais si octobre n'avait pas eu lieu, je pense, bon, beaucoup le pensent, eh bien, ça se serait passé comme en Autriche. C'est-à-dire que le fascisme aurait pris le pouvoir, ou comme l'Allemagne, tranquillement, et aurait liquidé simplement le prolétariat espagnol. Or, c'est avec l'expérience, justement, de ce qui s'est passé en 1934 que se sont constitués les comités et la révolution. Alors, je terminerai par ce que disait Nin, hein, en particulier, qui à l'époque était avec l'Izquierda communiste, hein, la gauche communiste, qui n'était pas encore intégrée dans le POUM. Hein. Il rappelle bon, le combat de la Commune de Paris, etc. Le prolétariat allemand, au mois de janvier 1933, sans la moindre tentative de révolte, a permis qu'Hitler prenne tranquillement le pouvoir. Il ne reste plus la moindre trace des organisations ouvrières, et sur la classe ouvrière s'est abattue la réaction la plus sanglante et la plus implacable. Si la classe ouvrière s'était jetée dans l'insurrection, du point de vue de la répression, le résultat aurait été identique. Mais elle aurait fait une expérience profitable et le désespoir ne se serait pas emparé d'elle. Elle n'offrirait pas le spectacle déprimant qu'elle offre aujourd'hui. La classe ouvrière espagnole devait prendre les armes. La leçon a été profitable. Nous ne sommes ni abattus ni démoralisés. La peur et l'inquiétude des classes dominantes en sont la meilleure des preuves. Et Andrés Nil concluait, de la défaite d'aujourd'hui surgira la victoire de demain. C'est-à-dire que cette... Alors, on peut se dire pourquoi on a oublié 34. Évidemment, le PS actuel en Espagne, il a fait son bas de Godesberg. Hein, c'est-à-dire que il n'est plus question de parler ni de réforme ni de révolution. Il est question de s'adapter. Bon, je ne parlerai pas du PS français. En tout cas, c'était un PS quelque peu atypique en Europe. Ce parti était à l'époque obrero, il était ouvrier. C'était aussi un parti socialiste, avec des ambiguïtés. Au XXe siècle, ce fut le seul parti socialiste d'Europe qui appela une révolution pour la première fois, et ce fut aussi la dernière. Et tout cela a disparu, maintenant, dans la grande memoria, hein, dans ce que l'on a appelé le pacto del silencio, c'est-à-dire que c'est lié aussi aux conditions dans lesquelles s'est faite la transition exemplaire qu'on nous a vendu, hein, en Espagne. Hein, et ça devait se conclure par quoi? Par une lobotomisation, on pourrait dire, de la mémoire ouvrière. Il fallait qu'absolument on ne parle plus de ça, parce que ça pourrait donner des idées que des gens s'étaient révoltés pour la justice. Voilà. Bon. Ben merci. Ben merci de nous avoir retracé un peu cette histoire très méconnue, même dans nos milieux, parce que moi c'est le seul bouquin que je connais, j'ai lu ça il y a dans les années 70, ouais. Et je sais pas, en français je pense pas qu'il existe grand chose. Alors est-ce que en Espagne il en existe plus, je sais pas. Et c'est vrai que même chez les anarchistes, alors peut-être parce qu'ils étaient pas majoritaires, mais bon, on a beaucoup de littérature sur la révolution en Catalogne, sur les collectivités, puis sur ce qui se passe après 36, mais cette période de 34, et ben, je ne sais pas, tu dois avoir une bibliographie, tu vas nous en parler, peut-être pour lancer le débat. Ouais. Et après, vous avez le droit à la parole, bien sûr. Qu'est-ce qu'il existe comme bibliographie Alors, comme bibliographie, ben, je pense que le livre le plus intéressant, mais je pense qu'il n'est pas traduit en français, c'est le livre de Paco Ignacio Taibo II, hein, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Asturias, octobre 34. Asturias, octobre 34. Je pense que, en plus, c'est un livre qui est d'une probité incroyable, parce qu'à chaque chapitre, alors c'est romancé évidemment, hein, mais à chaque chapitre, il donne les références, les titres D'où il a sorti le texte? Oui, les références. Vous voulez dire ça, mais vous avez... Parce que ce sont des références très, très éparses. Hein, enfin, si vous prenez... Enfin, on les donne, les références. Hein, on a donné... on a donné pas mal, hein, mais... enfin, pas mal. Elles sont éclatées. C'est bon, par exemple, il y a un texte de Rodolfo Gioppi, qui était l'ancien dirigeant du PS, hein, qui s'appelle Octubre 34. Il y a un texte aussi de Ignotus, qui est un membre de la CNT, qui analyse très en détail, et puis des références de discours, de textes, mais il n'y a pas eu. Et puis il y a une historienne, une jeune historienne espagnole, hein, qui s'appelle. Sandra Souto Custrin, hein, qui a écrit sur ça. Hein. Il y a Willibaldo Solano, qui était le dernier dirigeant du POUM, hein, qui a écrit alors le POUM en la historia, mais qui est le texte, ça a été écrit en français, hein, aussi, ça a été traduit en français, le POUM en l'histoire, Andrés Nin et la Révolution espagnole. Alors, il le voit, lui, du côté POUM. Hein, donc, c'est-à-dire. Solano, enfin, j'ai discuté avec lui, c'est lui qui a été le conseiller de Ken Loach pour London Freedom. Et donc lui, il le voit. Alors bon, il y a Brouet. Disons que c'est épars. Hein. Il y a Peiratz. José Peiratz, hein, son histoire de la CNT, je crois qu'il a été traduite hein, en français. Hein. Mais qui n'est pas encore paru. C'est annoncé. C'est annoncé. Il y a Pelai Pagès, qui est un historien catalan, hein, qui a écrit pas mal de textes sur la révolution de 1934, et en particulier l'alliance ouvrière en Catalogne. Hein. Alors lui, il le voit surtout sous l'angle catalan. Hein, il est assez catalaniste, on l'a entendu à Montauban. Ce je pense qui est paradoxal, c'est pourquoi, bon, d'une part, on voit que le PS n'en parle pas. Mais la CNT n'en parle pas non plus, parce qu'il y a une espèce de honte, parce que les deux mecs de l'anarchie, enfin les deux centres anarchistes, étaient Saragosse et Barcelone. Et justement, elle refuse d'entrer dans le mouvement. Le 7 octobre, la CNT à Barcelone appelle même à la reprise du travail, alors que ses propres militants sont même en grève. Et à Saragosse, le comité régional fait un appel au gouverneur en disant « Mais non, c'est pas nous, on n'a rien à voir là-dedans. » Donc, il y a cette espèce de honte. Et je pense qu'on a... Enfin, pas seulement moi, on en a discuté collectivement. Hein. Je pense que pourquoi la CNT n'en parle pas ? Parce que quelque part, ceux qui ont été le plus radicaux, ça a été la CNT asturienne. Or, c'est celle, justement, qui était, paraît-il, la plus molle, entre guillemets, la plus centriste. Et puis, après coup, évidemment, on a récupéré son travail. Alors, pourquoi la CNT à Barcelone ? Bon, d'une part, il n'y avait pas les téléphones, ça ne marchait pas, et le portable encore moins. Hein. Donc, il faut voir qu'il y a un déphasage au niveau des événements. Hein. Les gens... On n'est pas sûr, est-ce qu'on nous raconte une histoire, est-ce qu'ils se sont vraiment soulevés, est-ce qu'ils ne sont pas soulevés, enfin, il y a tout ce truc-là, il faut le contextualiser. Hein. Mais il y a aussi un fait que il y a le soulèvement catalaniste, avec un type qui est un provocateur, d'Encas, avec les locaux qui sont fermés, et la CNT, aussi bien que la FAI à Barcelone, ils se disent, attendez, on va se soulever pour ces gens-là. Et il est possible, et d'ailleurs, Gil Robles s'en est vanté, il dit, on a bien réussi notre affaire, on a provoqué le soulèvement catalaniste à Barcelone, ce qui a paralysé totalement les sections catalanes. Hein. Bon, on a repris un texte, je ne sais pas si j'arrive à le retrouver, sur justement ce que disent les... oui, quelque part, les anarchistes à Barcelone, enfin, qui étaient la plus grosse masse, hein, se sont sentis honteux après coup en se disant, mais attendez, ceux qui nous ont considérés comme des opportunistes, des contre-révolutionnaires, ou des gens totalement mous, et ne, c'est eux justement qui ont fait la révolution, et nous on n'a pas osé la faire. Et je pense qu'ils ont été paralysés par ça, par le catalanisme. Et d'ailleurs, enfin, la question ressurgit maintenant avec le catalanisme actuel, hein, cette histoire-là. Hein. Parce que, bon, les forces, comment ça s'appelle, syndicales ou ouvrières en Catalogne maintenant, avec le surgissement de la coupe, de la mairesse de Barcelone, sont complètement coincés avec ce discours ultra-catalaniste, ultra-nationaliste, en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut proposer, nous ? On se retrouve à nouveau dans la même situation. Hein. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu un peu, mais voilà. Vas-y. Oui. Moi, si j'ai demandé les dates tout à l'heure, oui. C'est parce que je suis née le 6 décembre 1935. À Carpentras, et donc maman me disait que dans la chambre il y avait des dames, maman qui accouchait, et il y avait aussi c'était tous des réfugiés espagnols. Et du fait que après plus grande j'ai appris enfin, j'ai eu des amis espagnols, eh bien, ma mère me disait que sûrement c'est parce que j'avais eu, dès ma première naissance, des gens qui parlaient l'espagnol dans la chambre et que ça m'était resté comme ça, en effet, voilà. Alors, voilà, le 6 décembre, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous avez dit 34, octobre 34, ça veut dire que ceux qui ne voulaient pas se faire... fusillés, ils émigraient, maintenant on dit bon, les migrants ils s'enfuient, ben ils s'enfuient s'ils ont plus de maison, s'ils ont été le père, la mère hein, et ils se ménagent, c'est tout à fait naturel que l'émigration se fait ils ont pris le maquis, par exemple Benjamin Thomas, il a été pris en décembre, il s'est planqué, beaucoup se sont planqués dans la montagne. Hein. Oui. Et puis il y a eu des réseaux d'exfiltration, en particulier par Indalecio Prieto, qui avait une longue expérience, en particulier de contrebande, de Micmac avec la marine, avec les... Donc lui, par exemple, Prieto avait organisé tout un réseau d'exfiltration de militants. Donc ils sont arrivés, et donc beaucoup se sont réfugiés effectivement en France. Hein. Et c'était que par la mer qu'ils pouvaient partir. Par la montagne aussi. Non, par le Pays Basque, justement. Par le Pays Basque. C'est par Bilbao. Les migrants, ils marchent, hein, et ils font comme c'était la villégiature, là, c'était sur la plage. Personne n'a réagi à ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on est allé laisser. Mes parents, ils sont passés par les camps aussi, tout le monde. C'était... je pense que quand... 39, il n'y avait plus Blum. Après, il n'était plus en 39. Non, c'était le gouvernement de... C'était Daladier. Il y a beaucoup comme plus le maquis, avec le maquis dans. Mais, enfin, le problème, c'est qu'on voit arriver... Enfin, on le voit d'ailleurs maintenant, hein. On a vu arriver, le gouvernement français était... Enfin, ce n'est pas pour l'excuser, hein, parce que je n'ai pas un respect particulier pour Blum, hein, ni pour Daladier, ni pour les autres. Mais le gouvernement français s'est complètement pris... on le voit maintenant, hein, c'est ce qui se passe. 500 000 de personnes qui arrivaient avec des gens armés. Ils ont été complètement paniqués, qui arrivaient sur un département. Il y a eu une campagne d'ailleurs terrible des journaux. Et donc ils les ont mis sur la plage, donc à Argelès, Barcarès, Agde. Mais ça avait commencé avant, hein, les camps. Hein. Les camps avaient commencé déjà en 1938. Hein, si vous prenez l'émission qu'a faite Denis Péchanski, les camps en France, c'est dès 1938 on commence à ouvrir des camps en France. Bon, ici il y en a pas, hein, des camps maintenant en France. Quand tu dis déjà armé, moi je me souviens avoir vu des photos où il y a des proposés. Oui. Et ils arrivaient quand même armés. Non, ils étaient obligés de déposer les armes. Voilà, hein, ils étaient obligés de déposer les armes. Donc, et puis, ça a été le gros de la débandade, ça a été Portbou. Hein. Ouais. Ça a été Portbou, et donc les camions et les chars, eux, étaient précipités de la mer pour pas que les fascistes les prennent. Mais certains passaient avec... on leur désarmait la DCA, et par contre l'armée française qui connaissait pas, pardon, je l'ai entendu par des témoins, hein, qui connaissait pas certaines armes, en particulier DCA et autres, c'était les Espagnols qui leur montraient comment ça fonctionnait, parce que l'armée française ne connaissait pas ce type d'armes. Tu voulais intervenir, Marc? Oui. S'il vous plaît, si vous êtes... On en profite. Tu voulais un peu intervenir, non? Non, moi, je disais qu'on disait qu'il y avait 40 francs, mais... Oui. Et pour madame, la parole, c'est... Ça a été un gros lieu de passage aussi. Oui, il y avait Puchada, et puis il y avait Portbou, Cerver. Ouais. Donc ça a été les deux gros passages, mais il y avait eu des passages aussi par les Pyrénées, mais le gros de 39, c'est par Bourg-Madame, par le pont international qui fait Bourg-Madame-Pouchardin, et puis par caresse. Alors on a un bouquin assez intéressant là, qui a été publié cette année ou l'année dernière. C'est tout ce qui est devenu le matériel, tous les camions des républicains, entre guillemets, quand ils sont arrivés dans les Pyrénées-Orientales, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quoi. Et il y a un mec qui a fait toute une étude là-dessus. Alors on voit à Perpignan des places entières remplies de camions, et puis finalement ils les ont piqués. Hein. Bon, après ils les ont quand même pas rendus à Franco. Enfin, je crois qu'ils en ont filé une partie quand même à Franco, et une partie à l'armée française. L'or qui est l'or de la République, qui avait été entreposé à Mont-de-Marsan, a été rendu à Franco. D'accord. Voilà, c'est. Oui. L'or était quand même déjà parti à l'URSS. Une grosse partie était partie à l'URSS pour 500 000 tonnes d'or. Hein, oui, oui. Bon. Celui-là, ils l'ont jamais rendu. Ils l'ont jamais rendu. C'est d'ailleurs pour ça que l'URSS n'a jamais reconnu le gouvernement de la République, alors qu'ils avaient des ministres communistes. Bon, c'était fantoche, hein. Ouais. Mais en fait, c'est. L'URSS n'a jamais reconnu le gouvernement de la République en exil, parce que s'il avait reconnu, il devait rembourser l'or. Voilà. D'ailleurs, lors de l'entrée du régime, enfin, du gouvernement franquiste à l'ONU, ça a été l'unanimité. L'unanimité, sauf abstention du Mexique, je crois. Et la Belgique. Et la Belgique, voilà. Abstention. Mais pour de l'URSS, hein. Et des satellites. Oui, c'est évident. 56 voix pour deux abstentions. Ouais, c'est, En quelle année c'était ? 52, 53, Est-ce que vous pouvez rappeler les effectifs de l'Armée rouge pour GT, la CNT et... Je vois pas mes notes. Hein. Je crois que c'est de l'ordre de 40 000, il me semble. Hein. Ah oui, c'est bien. Mais en fait, au niveau des organisations... Ah ben là, les trois quarts, les trois quarts, c'est les socialistes. Enfin, peut-être 60% les socialistes, peut-être 30% les anarchistes, ou 40%, et puis un petit effectif, disons, des communistes. Ok, ouais, non, petit effectif de communistes. Oui, t'as parlé de 6 000 tout à l'heure, les communistes. 6 000, c'était le syndicat. Syndicat. Et d'ailleurs, le nombre de victimes, parce que je crois que tu l'as pas dit. Alors, en tout, le chiffre qui était resté, je garde. Par les 1300. Je garde le chiffre de Brouet, parce que même Temim, il a essayé de revenir, mais en entraînant les pieds et tout ça, je pense que c'est 3 000. Enfin, en tout cas, c'est l'image qui en est restée, c'est-à-dire d'un massacre, une véritable hécatombe. C'est-à-dire 2000 en combat et 1000 dans les exécutions sommaires. Je veux dire que ça recoupe exactement, c'est un peu les effectifs des manifestations suivant la police et suivant, en France, auquel on est habitué. C'est-à-dire. On a fait pire quand même. Hein. Il n'y a pas eu de mort. Oui. Si, il y a eu 2 morts, je crois. Ah, oui, mais qui étaient des affrontements entre Algériens. C'est ça, oui. Le 17 octobre 61. Ah, oui. C'était 2 morts officiels. Mais c'était des règlements de compte entre Algériens. Non, je pense que c'est. Enfin, le chiffre, ça correspond effectivement. Enfin, en tout cas, le chiffre, c'est une tuerie terrible qui annonce déjà ce que va être l'après-guerre d'Espagne. Et là, on est dans une c'est-à-dire avec les fosses communes, etc. Hein, c'est-à-dire des maisons qu'on comptait 10 et puis le 10e était tué, non ? Bah, écoute, le village que je connais, là, Pedrola, c'est un village, c'est à côté de Saragosse. Je crois qu'il doit y avoir 2 000 ou 2 500 habitants. Hein. et il y a 800 morts sur la plaque. C'est pas je parle de 39. Hein. 39. Enfin, ceux-là ont été assassinés à partir de 36. Là, si on va à Saragosse, au cimetière de Saragosse, là, il y a un monument. C'est épouvantable. C'est là le numéro 1. Hein, c'est épouvantable, le nombre. Alors, c'est un monument qui est... Enfin, moi, je me souviens d'être allé au cimetière de Saragosse il y a encore quelques années. Alors, maintenant, ils ont tout refait, c'est tout repeint, c'est bien, c'est joli. Mais on voyait encore les... C'est bien fait. Les tapias, les murs du cimetière qui étaient encore avec les impacts de balles, moitié effondrés. Ils ont tué... ils tuaient aussi par... ça correspond à... Bon, au niveau de la guerre civile, là, c'est un peu... Au niveau des Asturies, c'est un peu comme une guerre coloniale. C'est-à-dire comme on fait au Maroc, c'est-à-dire... Ou en Algérie, on massacre, hein, on fait l'exemple, on viole, enfin, c'est une terreur... On jette par avion de l'hypérite, et avec des usines, d'ailleurs, clandestines, qui sont construites par les Français et les Allemands, pour la guerre du Rif. Hein. Bon, il faut le savoir. Hein. Et un de ceux qui s'était amusé à lancer ces bombes sur les Rifins, c'était Ignacio Hidalgo de Cisneros, qui a été ensuite un des dirigeants du PC espagnol, qui est mort en Roumanie, je crois. Hein. Et c'est entre autres à Bucarest. Et c'est dans sa maison où a été torturé, assassiné Andrézin. Mais son premier fait d'armes avait été au Maroc à disperser de l'hypérite. C'est... ouais. Donc, non, les chiffres, c'est bon, 2000. 1000, enfin, en moult, hein, et 30 000 prisonniers au niveau de toute l'Espagne. Hein. Et oui. On a compté les migrants, alors ceux qui sont partis, on ne s'est pas compté ça. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a eu une grande migration. Ça a été surtout les ceux qui étaient compromis les plus qui se sont enfuis. Ouais. Oui, excusez-moi. Je voudrais savoir s'il y a des femmes qui ont participé. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, en armes, pas tellement. Mais qui servait, bon, par exemple, celle qui est. Enfin, la jeune fille là, des jeunesses communistes, là, Pénard, là. Ils étaient surtout agents de liaison. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la même caractéristique que pendant la résistance, c'est-à-dire que très peu de femmes en armes, bon, faut considérer aussi l'époque, hein. Encore que, il y en a eu, hein. J'ai utilisé d'ailleurs l'image que l'on a, c'est surtout las dynamiteras, celle qui lançait les bâtons de dynamite, hein, pas qui maniait les armes. Pétroleuses. mais effectivement, elles ont joué un rôle. Et d'ailleurs, dans la répression, elles ont été parmi les victimes plus terribles. Hein. Les mutilations, et puis j'en passe. Hein, c'était horrible. Ça a été horrible. Merci. Est-ce que c'était une région qui était quand même, ce qui pourrait expliquer le manque de soutien, qui était très isolée du reste de l'Espagne ou non? Et peut-être, est-ce qu'elle avait une culture spéciale comme, peut-être moins marquée qu'en Catalogne, en Galice, au Pays Basque, mais est-ce qu'ils avaient, ils avaient une langue propre? Ils ont une langue propre. Parce que c'est vrai, ils sont classés dans les peuples celtes, là, les Asturiens maintenant. Enfin, c'est là aussi. il y a une langue, hein, ouais, assyrienne, qui est le bablé, ouais, qui est utilisé, hein, mais il n'y a jamais eu, enfin, il y a eu un mouvement régionaliste. Oh, mais, pas un mouvement culturel aussi fort que les non. Les ouais, mais le mouvement culturel sur la Catalogne, ça c'est une construction de maintenant. Hein, d'accord. Parce que si on prend la fénéité de Barcelone, si on prend les plus emblématiques, les leaders, entre guillemets, ils ne sont pas catalans, et le route, il est né. Il est à Léon. Donc, ça, c'est une vision de maintenant, c'est-à-dire que Barcelone, c'est une terre d'émigration, et il y a énormément de gens qui viennent de toute l'Espagne, dont la TNT espagnol, elle n'est pas catalaniste. Ben, par exemple, ça, cette photo, j'ai appris récemment qu'il pourrait, d'habitude, on a mis qu'elle était, elle avait été faite à Pola de Lena, il paraît qu'elle aurait, elle n'aurait pas été à Pola de Lena, mais qu'elle aurait été tirée dans le Léon. Parce que la fédération de la CNT, par exemple, et se calquait aussi bien la CNT que l'Ucrete, c'était pas que les Asturies. C'était Asturias, León, Palencia et Rioja. Voilà. Donc, c'était comme ça. C'était en fonction pratiquement du milieu de travail, donc des mineurs, et de la sidérurgie et de la métallurgie, plutôt que par un élément régional. Après, il y a un folklore asturien avec des cornemuses, etc. Ouais. C'est dommage, il y a une guerre. À Marseille, on a une copine, son père était mineur. En Asturie, elle était membre de la CNT, mais j'ai dit de passer, elle n'est pas venue. Mais son père, il a été emprisonné en 50 et quelques, il y a eu des grèves, non ? Après, toujours. Le gouvernement franquiste a cassé en faisant venir du charbon des chers camarades de Pologne. Plus tard, ça, c'est dommage. Hein ? C'est en 60, ça. Donc c'est en 60, oui. Ah oui, c'est les grèves de 60. Mais effectivement, ça a été les premières. C'est resté encore un des fiefs du Parti Socialiste et de l'UGT. Enfin, même pendant le franquisme, les zones qui étaient encore dominées par l'élément ouvrier du Parti Socialiste, même clandestin, ou de l'Ucrete, c'était Guipuscoa, Biscaya, Bilbao, et les Asturies, et Madrid. Et c'était resté. Enfin, moi, je me souviens, même sous le franquisme, être allé à Gijón, c'était impressionnant. Ils avaient reconstruit des organisations, dont en 72. En 72, ils avaient presque pignon sur rue, et même quand il y a eu Felipe González a été élu, on rentrerait dans les magouilles politiques et autres au congrès de Suresnes, tout le monde s'attendait, personne ne s'attendait à ce que ça soit un Andalou d'ailleurs qui sorte, un avocat Andalou, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un Basque ou un Asturien, parce que c'était encore ce qui était la référence. Alors quand on a été j'étais présent au congrès là, de Suresnes, et puis tout le monde a annoncé un compañero Isidoro, c'était son blaze, son pseudo Isidoro, était élu. Alors il y a eu un silence, hein, parce que il y avait Mitterrand d'ailleurs à la tribune. Il y a eu un silence parce que finalement personne ne s'attendait, et puis après bon, la claque a commencé à applaudir, bon, tout le monde savait qui était Isidoro, mais il y avait encore le fait que ça devait être un Asturien ou un Basque qui devait être le dirigeant du Parti Socialiste. Et quelque part, le fait que ça ne soit pas ça, ça signifiait aussi que le PS n'était plus le PS aussi, quelque part. C'était notre PS, en tout cas. Pour revenir sur le truc de langue, quand on voit les publications de la CNT dans les années 30, elles sont en Espagne, en castillan. Et donc il y en a très très peu en catalan. Et je pense que Guti Ascaso ne savait pas bien parler le catalan. Ça, c'est clair. Et je suis sûr que toutes les assemblées de la CNT se faisaient en castillan. Je pense que s'il y avait des catalans qui parlaient mal le castillan, ils pouvaient parler en catalan, parce que les autres les comprenaient. D'accord, mais... Mais il ne faut pas projeter, parce que maintenant, en revanche, je pense que si on va dans une réunion de la CNT ou comme ça, à Barcelone, et qu'on parle castillan, là, je fais foutre de vol. Ah oui, mais non, mais il y a l'utilisation de la langue d'un point de vue nationaliste est catastrophique. Après qu'on sauve les langues, qu'on ne veut pas qu'elles disparaissent, c'est important, on sait très bien qu'en Catalogne, quand on y va maintenant, ils vont faire semblant de ne pas comprendre le castillan. Mais même ça atteint les milieux à Nard. Effectivement, on a reçu une lettre. Après, le texte qui soit publié en catalan, on va arriver à le comprendre si on parle castillan. Et moi, j'ai vu des lettres écrites directement en catalan, alors que le mec, il écrit, forcément, il connaît le castillan. Et il y a beaucoup plus de gens qui vont parler comprendre le castillan que le catalan. Et c'est une volonté de dire, bon, voilà, on est catalan. Après, il faut utiliser les langues, la langue commune. Et puis après, protéger évidemment des langues, éviter ce qui s'est passé en France où toutes les langues minoritaires ont été éliminées. Quoi, ça. Il ne faut pas qu'on projette de maintenant sur le passé, parce que ce n'était pas comme ça. Moi, par exemple, mon père, chez moi, ne parlait que le castillan, parce qu'il était galicien, et ma mère ne parlait que le catalan. Et quand mon père s'aventurait dans le catalan, c'était une catastrophe. Et quand ma mère s'aventurait dans le castillan, c'était une catastrophe. Et chacun, c'était comme ça. C'est parce que ma mère, sa langue, c'était le catalan. Elle avait de Barcelone. C'est pas qu'elle n'avait pas voulu apprendre, mais comme elle n'avait pas été à l'école, bon, elle parlait le catalan. Pour communiquer entre eux, ils prenaient le castillan. Mon père comprenait très bien. Nous, on parlait les deux, avec ma soeur. Donc, mais il n'y avait pas cette projection de maintenant. Hein. Ah oui, j'ai oublié un truc là, c'est que dans l'humanité dimanche, c'est de 2014, hein, c'est la dernière. Vous avez une photo, alors pour dire, enfin, il y a des gens qui me disent, oh, bon, ben, Staline oublié, c'est fini, on a changé. Il y a une photo, grâce à Santiago Carrillo, l'unité entre communistes et socialistes se met alors en place pour organiser la riposte. Et c'est pas vrai. Santiago Carrillo, à l'époque, était à la gauche des jeunesses socialistes et combattait même les jeunesses communistes. Et on montre une photo. On montre une photo qui est assez amusante. On pourrait s'attendre à voir Santiago Carrillo en 1934. C'est une photo de 1937. Et on voit derrière... Pleno del Comité Central del Partido Comunista de España, plenum du Comité Central du Parti Comunista d'Espagne, donc il n'était pas encore au Parti Communiste, il y est rentré clandestinement en 35, fin 35, on pense. Hein. Et puis il y a derrière deux portraits, Lénine et Staline. C'est fait en 2014. Voilà. C'est voulu ou ils sont complètement incompétents? Parce que ils ont pas envie comme les staliniens effacer les têtes. Je sais même pas. À mon avis, ils sont nuls. Non, mais je pense qu'ils sont plus nuls que. Je pense qu'il y a parce que. S'ils ne maîtrisaient pas Photoshop, c'est quand même une optique quand même. Non, mais la classification, ils sont nuls quand même. Non, mais en 2006, ils ont fait un numéro spécial sur la guerre civile. Hein. Ouais. La guerre d'Espagne. Et il y avait une photo aussi, c'est pour ça que je te rejoins un peu. Il y avait une photo qui était assez amusante, bon, qui était, bon, la brigade de Talman monte au front. Et il y a une photo. Et alors, qu'est-ce qu'on voit de cette photo? Il n'y en a pas beaucoup de photos. C'est la photo, en réalité, d'une unité... les appareils photo. C'est une unité du POUM, où apparaissent des nains, et derrière une grande asperge, qui est Orwell. C'est en réalité une photo... une des seules photos que l'on a d'Orwell dans montant au front. C'est la brigade de Talman. Mais pour continuer dans cet exemple, c'est un exemple qu'on a depuis deux journées. Là, dans le numéro 1, on avait fait un dossier sur les... Alors justement, je corrige un peu ce que tu as dit au début, parce que c'était pas tout à fait vrai, que c'était... parce qu'il y a eu donc des gens qui ont été au goulag, hein, des exilés espagnols qui ont été au goulag. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient partis se réfugier là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont allés apprendre à piloter. Ah, oui. Il y avait des accords avec la République et donc ils sont partis apprendre à piloter. Et quand la guerre a éclaté, ils ont dit nous, enfin, en Europe, ils ont dit nous, on revient. Donc on les a foutus au goulag. Ah, oui, il y avait le pacte germano-soviétique. Par ailleurs, il y a un bateau. Il y a des marins. Il y a un bateau qui faisait des transports. C'est d'ailleurs lui, ce bateau, qui a transporté tout l'or. Enfin, pas tout l'or, parce qu'il y en avait un peu, mais enfin, les 510 tonnes d'or. Et ce bateau était à Odessa quand... Donc, bien avant la fin de la guerre d'Espagne, et donc, avant la fin de la guerre, et donc, ils ne l'ont pas laissé rentrer. Et les marins, on les a foutus au goulag. Bon, donc ça, c'est tout à fait relaté dans le détail là. Et donc, il y a les noms, on a les noms des gens. Il y a une campagne. Il y a une campagne pour les libérer, c'est ça. Voilà, il y a très peu de gens qui sont revenus. Ouais. Bon, et bien là, ça fait deux jours, on nous a envoyé, donc... Alors, comment ça a été découvert? Ça fait un an comme ça, ou un an et demi, Rajoy, le président du conseil espagnol, a été en Afghanistan, non, en Kazakhstan, Kazakhstan. Et il y a des échanges de cadeaux. Et donc, il a donné à Rajoy les livres du camp de Karaganda où il y avait les réfugiés espagnols. Alors, bon, l'autre, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Alors, quand il est revenu, la presse a agité le Dmitrik. On a reparlé des goulags de Karaganda. Bon, donc, nous, on a fait ça. Sur le numéro 1, on a fait un dossier sur... Parce que ça agitait toute la gauche. Il y a eu un clivage énorme dans les années 47-48 dans les réfugiés entre les staliniens et les autres. Et donc, là, ça a été très intéressant parce qu'il y a des gens qui se sont décantés. Ça a été un filtre qui n'a pas été inintéressant. Bon. Et ça a été un clivage très fort. Mais... ça fait deux jours, on nous a envoyé un truc qui a été découpé. À Madrid, il y a eu une conférence des fils d'exilés, tout ça, de républicains et tout ça, à la gloire des gens qui avaient été apprendre à piloter tout ça en Espagne, en Russie, et on fait un panégyrique. Il y avait l'ambassadeur du Kazakhstan, qui est une dictature, ça, comme d'habitude. Et à aucun moment, on ne signale que le Karaganda, quoi. Et ça a été un point très important. Ce n'est pas signalé. C'est complètement passé sous silence. Hein. Donc, la mémoire a été réactivée, ça fait deux ans, hein, mais donc, le pays, tout ça, l'avait fait, parce qu'on ne savait pas comment ils sont revenus, avec ceux qui sont revenus très peu, très très peu. Eh bien, deux ans après, on fait tout un truc comme s'il n'avait pas existé, hein, à la gloire de l'URSS, de tout ça. Voilà. Ça fait tout. Ça fait deux jours, hein. Ouais, c'est extraordinaire. Donc ça laisse rêveur, hein, quand on parle des djihadistes. Bon, je veux dire qu'il y a un endoctrinement là, quand même, il faut pouvoir le faire, quoi, quand même, mais il faut quand même avoir une structure mentale très spéciale. Parce que l'on a entendu à Montauban, là, il y avait un conférencier qui nous parlait de Juan Negrín, qui avait été la marionnette du PC en Espagne, où on nous expliquait que, un historien, entre guillemets, nous expliquait que est-ce que Negrín était contre-révolutionnaire ? Pas du tout, parce qu'il n'y a pas eu de révolution en Espagne. Non, il n'y a pas de contre-révolution. Il y a eu une guerre civile. Ça laisse rêver. J'aimerais que vous disiez quelques mots là sur ce livre auquel vous avez participé, sur cette histoire de plaques à Cahors, justement, autre exemple de falsification. Mm-hmm. Expliquez peut-être... à l'Assemblée, ce qui s'est passé, l'histoire de la plaque et des réactions. Quoi. Ouais. Bon, si vous voulez, moi je vous laisse. Parce que le détonateur, ça a été moi. Hein. Ah, alors vas-y, parce que tu connais ces jeux. Moi je suis né dans le Lot. Ouais. Donc, je suis né dans le Lot et j'ai habité Cahors. Mais maintenant j'habite tout Paris, comme je vous ai dit, et puis je descends souvent à Toulouse. Et puis j'arrive à Toulouse, on me dit ah ben tiens, il y a un truc à Cahors qui est le chemin bien de glorification des républicains, tout ça. Et donc, je viendrai. Alors, j'y vais. Alors, il y avait une plaque, à la gloire des républicains espagnols. Je ne sais pas si vous avez le livre là, une histoire de l'histoire. On doit l'avoir. Non, mais je l'ai là, moi. Dans la bibliothèque. Il y a la bibliothèque, ouais. Non, mais là, j'en ai pris un, moi, c'est mon livre de travail. Vous aviez l'intention. À 31-21. Tony. Alors, place des républicains espagnols. Bon, pourquoi pas, on est mis sous l'angle républicain. Et en dessous, on profite de l'occasion. En hommage aux guerriers espagnols, FFI et autres combattants pour la liberté, morts pour la France. Alors, los guerrilleros, c'est très fort quand même. Los guerrilleros, ça veut dire les partisans, hein, comme ça. Hein. Mais quand ils avaient créé une organisation, les communistes, qui s'appelait los guerrilleros. Donc c'est avec une majuscule, donc c'est leur organisation. Or, il y en a eu des corps constitués en Ariège, par exemple, mais dans le Lot, ça n'a pas existé. Il n'y en a pas eu. Bon, alors là, il y avait le maire, le conseil général, le conseil régional, il y avait une série de personnes. Alors moi, j'ai dit, ça, c'est pas possible, quand même, parce que je connaissais un peu, sans être, bon, sur le roman national de la Résistance, bon, je savais vaguement des trucs, mais je savais que là, il n'y en avait pas eu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une lettre à tout, au conseil, au président du conseil général, au maire, tout ça. Alors là, ça a foutu le bordel. Et donc, alors, comme à Toulouse, dans le milieu libertaire, j'étais assez connu, mais là, les gars, les staliniens, ils ne me connaissaient pas, parce que je savais qu'il y avait un hermétisme entre nous qui nous faisait qu'ils ne me connaissaient pas. Donc ils ont dû se dire, mais qui c'est ce gars? Et alors ils ont envoyé une lettre complètement à côté de la plaque, croyant que bon, c'était un gars comme ça qui était... on m'a dit, même si vous y avez été, hein, vous protestez, mais est-ce que vous y étiez vraiment? Non, mais c'est la rhétorique. Hein. Donc, à partir de là, on a dit, ça ne va pas rester là. Donc, moyennant quoi, on a fait une pétition qu'on a envoyée, et donc on a récupéré très vite 350 signatures. Avec des noms, hein, on les a mis là, hein, y a tous beaucoup d'Espagnols. Hein, vous voyez, de l'Olmo Agustí, del Prado Lao, bon, il y a plein d'Espagnols. Donc là, vous voyez, alors c'est assez intéressant quand même, il y a des occasions comme ça, ça permet de faire des filtres quand même. Hein. On a écrit au maire de Cahors, que dalle, t'as répondu. Deux fois, hein. Donc, avec les pétitions, on a dit, on viendra vous présenter les résultats. Socialiste, attention, hein. Pas répondu, hein. Pas de réponse. Alors, autre point, je connais assez bien Geneviève Dreyfus-Armand, qui est une historienne de l'exil, qui a réputation et tout. Donc je lui ai envoyé la lettre, elle a réfléchi, mais elle l'a fait quand même, ce qui est quand même très bien. Elle a envoyé une lettre de soutien, et sur la lettre, il y avait un post-it. Elle me dit, vous faites ce que vous voulez de la lettre. Ça, c'était pas mal. Donc, on pouvait l'utiliser. Elle me l'a adressée, mais c'était une lettre utilisable. Donc, la mise dans le bouquin, d'ailleurs. Et alors là, c'est bien, parce que le résultat n'a pas été mauvais, mais ça fait réfléchir quand même. Parce que, alors, dans leur journal, ils m'ont traité de négationniste, attention. Ah non, attention, hein, ça, de négationniste, vraiment. Et puis, quand même, elle a écrit aussi. Après, un peu moins fort, mais quand même, ils ont tapé très fort. Oui, une prétendue historienne. Oui. Ils l'ont traité de prétendue historienne. Et à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant aussi, bien que ça soit dans le positif. Là, les historiens se sont levés parce qu'on touchait la Geneviève Dreyfus-Armand. Moi, là, mais bon, ça a eu de l'effet quand même. Ça a été positif. Mais si on le regarde avec un esprit critique, tant que moi j'avais avancé des arguments, argumenté tout ça, il ne s'est rien passé. Voilà, il ne s'est rien passé. Dès l'instant où la corporation des historiens était touchée, là, on a commencé à voir, et etc., etc. Donc, ça a été intéressant, mais enfin, je n'oublie pas quand même. Enfin, je ne m'attendais pas non plus à des hommages particuliers. Alors, la plaque, qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais, maintenant, ça a créé, parce que dans les staliniens, il y a aussi des plus ou moins. Exact. Et donc, après, il y avait. Mas ou menos. Il y avait des antagonistes. Et puis, il y a les compagnons de route. Il y avait des antagonistes. Et donc, il y a des antagonistes qui ont profité de l'occasion pour allumer les autres. Ceux qui représentent les guerriers, c'est comme ça, depuis la plaque de Cahors, ils sont en perte de vitesse. Mais on voit maintenant une autre génération. Enfin, ils ont le même âge. Ortiz, celui qui écrit. Qui écrit l'Animalité, oui. C'était un rival. Et là, comment on l'a coulé? C'est nous qui l'avons coulé, familier. Et le rival, il en a profité. Mais alors, il se présente beaucoup plus bon, en laissant des... Mais l'idée finale est la même. L'autre, ils sont rentrés un peu de manière pas très politique. Ils se sont dit, c'est, qui c'est ce gars? On ne le connaît pas, qui c'est? Alors que finalement, moi, je connais beaucoup de monde, à Toulouse et tout ça, tout ça. Donc finalement, ça remuait. Mais ils ne le savaient pas, ça, ils ne le savaient pas. Et donc, ils se sont piégés eux-mêmes. Mais les autres, ils en ont profité. Donc maintenant, ils sont... Alors, ils sont coulés, hein, maintenant, d'après moi. Ils sont... ils n'ont aucune... c'est fini, on ne les voit plus. Avec, ils sont dans les mairies, parce qu'il y avait les adjoints communistes des mairies, ou comme ça. Donc, mais finalement, dans le milieu de l'histoire, c'est terminé. Hein, là, les gars, ils sont... Alors, la plaque, elle a arrêté de faire pas. Et alors, si le jeune élève... Il faut faire un additif en dessous. Le jeune élève Dreyfus, qui habite Cahors, elle a écrit au maire aussi, donc c'est quelqu'un de réputation, mais le maire ne lui a pas répondu, jamais. Même socialiste. Ouais. Donc, mais ça, c'est... Il est vexé de cette femme. Non, mais c'est à la limite, je dis que c'est bien qu'elle soit la plaque, parce que c'est la honte affichée en permanence. Et oui, mais on ne sait pas les autres. Ça, non, ça a permis d'écrire un bouquin de 250 pages. Non, mais ce qui est pas mal, c'est que l'association de Cahors a quand même enlevé, fait enlever. Ils savaient, parce que les gens ne savent pas, parce qu'ils sont des anciens républicains, tout ça. Dans la MEJC, on avait dit d'accord. Bon, mais nous, on est d'accord pour la plaque et tout ça. Parce que c'était avec les républicains, c'était avec tout ça. Et la MEJC de Cahors a envoyé une lettre, a dit vous retirez notre nom. Donc c'est très mauvais, quoi. C'est très mauvais pour eux. Alors, autre point quand même qui est très important, parce que maintenant, on a fait la pétition et on a c'est sorti... C'est une nouvelle conférence, alors. C'est une deuxième conférence. Non, mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Je sais pas si bon, et donc, tout de force... on a dit, on ne va pas rester là. Ils ont fait une colonie, elle est affichée, on va en profiter. Oui. Bon, c'est comme ça. Donc, non seulement on a fait la pétition, et on a dit, mais on va en faire le livre. Parce qu'il y a des choses qui existent dans les œuvres, on écrit, bon. Donc, il y a des choses qui existent, mais pas rassemblées. Donc, on a rassemblé tout ce que avait dit l'un, l'autre, et après Francis a fait un article, moi j'ai fait un article, bon, et on l'a complété et on a fait un bouquin. Et alors ça, ça devait être, mettons, le 30 septembre, l'inauguration de... Ah, bon, les sourires, hein. Ah, il y a tout, hein, parce qu'on est quand même assez rigoureux. Ça a l'air. Le 10 septembre. Et donc, le 10 septembre, après, on a fait... dans la pétition, il faut que ça revienne, tout ça, tout ça. Et on a sorti ce volume le mois de février. Hein? Alors, pas ce volume, hein? C'est-à-dire qu'on a commencé à rassembler, et puis, après, on s'est rendu compte qu'on aurait pu faire mieux, et donc c'est quand même un tour de force de la plaque est posée le 10 septembre, le mois de février, on se le bouquin quand même. Hein? C'est déjà pas mal. Hein? Et la plaque, vous la remplacerez ou non? Non, mais ça tombe à rien. C'est très bien. Ah bon? Non, mais c'est très très bien. Et donc, là, on a fait ça. Et alors, en plus, il y a des trucs qui étaient oubliés. On a retrouvé une photo, parce que dans les éliminations, bon, il y a cette plaque. Non seulement ils n'ont pas participé, mais à la libération, comme il y avait la UNE et la Union Nationale Espagnole qui était sous contrôle du Comintern, qui voulait récupérer des gars, et il y a des gens qui n'ont pas voulu, mais ils les ont flingués, c'est pas grave, ils les ont flingués. Et donc on a la photo, on a la photo, il y a un militant socialiste qui s'appelait Benito Auxiliar Benito, qui a été tué donc en octobre 1944, donc il y a eu un cortège de, crois, de 6000 personnes ou un truc comme ça. Donc on a une photo, donc on a publié la photo de et par les Staliniens. Et donc après nous on a enquêté sur le deuxième, la deuxième apparition qui a eu lieu 2 mois après. Hein, quand même. C'est sûr que si vous ressortiez une photo comme ça... Et on a pris on a pris ce qu'avait écrit l'un, l'autre, tout ça, donc ça existait. Hein. Tout ça, c'est pas nous qui l'avons écrit. On a fait que faire des recherches, donc on en a fait la moitié. Et puis pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on publie les lettres que j'ai envoyées moi à toutes les sommités, les réponses des staliniens, in extenso. Pour qu'on voit bien ceux qui sont. Donc. Non, enfin, en plus, cette photo, enfin, moi, je la connaissais, mais il se fait qu'Ossiliano Benito était un ami de mon frère. Ah. Et il a, la dernière réunion qu'ils ont eue, bon, elle s'était tenue au pont Saint-Pierre à Toulouse. Et donc, ils ont tenu une dernière réunion. Mon père était au Parti Socialiste, enfin, au Jeunes Socialiste. Et une heure après, ils ont assassiné Ossiliano Benito. Voilà. Donc, il y a eu, et par ailleurs, bon, il y avait quelque chose qui était un peu enterré par les historiens, tout ça, au niveau de la commune de Castelnau-d'Urban dans l'Ariège. Il y a eu une tuerie le 15 juillet 1944, où il y a eu 7 personnes de tuées de la CNT. Bon, il y avait le gars qui était de la CNT, il avait fait un peu de résistance, et on y a dit, il faut rejoindre la UNE. Et il a dit, non, moi ça ne m'intéresse pas, Et alors, ils sont venus pour le liquider, mais il n'était pas là. Seulement, il y avait la femme qui venait d'accoucher, qui avait un bébé de 7 jours, de 7 jours, qui avait une petite fille de 8 ans. Il y avait d'autres personnes qui étaient là parce que c'était des copains, tout ça. Ils ont flingué tout le monde. Ah ben non, oui. Et donc, ça nous a... Enfin, moi j'ai enquêté, je suis allé dans la Liège, j'ai enquêté, et je peux dire qu'il y a une fosse commune, parce qu'ils ont été enterrés là, mais il n'y a aucun signe distinctif. Et donc, à la mairie, on a dit, mais oh, quand même, c'est vrai. Il y avait quelqu'un qui se souvenait, on aurait quand même pu faire une petite messe, quand même. Il n'y a rien eu, il n'y a pas de signe distinctif, et tous les sept, ils sont là. Donc là, ça mériterait une plaque, peut-être. Voilà, donc, et alors, il y a toute l'enquête. Alors après, on a listé toutes les... Une plaque sérieuse. On a listé toutes les... Ça nous a permis de faire ça. Et là, dernièrement, là, il y avait Dreyfus qui était dans une conférence. Alors, bon, la tendance à utiliser le bouquin, ça nous citait, mais enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Mais elle se servait du bouquin, quand même. Hein. Donc, non, ça a été très positif. Et la plaque, c'est très, très positif. C'est très, très positif, et donc quand on veut avoir maintenant, quand on veut un condensé de la politique de l'État stalinien juste après guerre, sur la fin de la guerre de la France, ben, y a tout, hein, là il y a tout. Il y avait un éditeur à Nard, je ne sais plus, qui avait publié un truc sur les règlements de compte, là. C'est un bouquin rouge, là, je ne sais pas comment il s'appelle ça. On le cite. La contre-révolution dans le maquis, le titre. Non, c'était là. C'est les mecs de Perpignan. Voilà, c'est le groupe de Perpignan, le groupe Pichanti. Deux défauts. Alors, c'était. Il faut commencer par les féliciter quand même. Parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont d'abord fait dans les années. Ça, c'est fin 70-80. Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'était mal relié. Ouais, c'était pas tout à fait fait. Les pages. Faudrait qu'il la page 70, elle était après la page 82. Bon, c'était très difficile à lire. Quoi, ouais. Et donc. On doit la voir. N'empêche qu'ils ont fait une enquête. Oui, mais là. Bon, et puis on a, après dans le deuxième volume, là, on a rassemblé, parce que il y a des gars de la CNT à deux cases vives quand même, hein. Là on l'avait pas fait dans le premier numéro, et eux ils en parlent quand même, et donc à la libération, pareil, pour la UNE et tout ça, ils ont kidnappé 10 bonhommes, dont un ou deux de la UGT, les autres étant de la FNT, mais ce dont ils ne comptaient pas, c'est que toutes les mines se sont mises en grève. Alors là, mais sinon, les gars, les 10, ils y passaient. Et donc ça, c'était pas possible. Hein. Donc c'était... Et alors, il y a un track du PCF, qui est super intéressant, qu'on a reproduit, hein, donc... Ben, ils disent, mais les cosmopolites, les double vient l'argent, il faut voir. Ah oui, non, c'est. Il y a la photo, et donc c'est. C'est long. C'est long le tract là. Ah non, c'est pas long, hein. Je peux le trouver, hein. Bon, on va continuer la discussion autour d'un verre, parce que il y en a qui s'impatientent. Donc, merci encore à vous deux, André et Francisco, d'être venus. C'est nous, hein. Nous rendre visite. Et donc, je vous engage à lire leur revue, dont on a les trois premiers numéros. Regardez où il finit. Là, on l'a à la bibliothèque, et après, là, les numéros sont en